Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'as lancé le stream? Ouais. Le stream. Est-ce que c'est bon? Bah, je l'avais pas arrêté, donc techniquement, on est en. Ouais, ouais, ok. Je pense que c'est bon. Le chat, est-ce qu'on est de retour? C'est revenu. Bon, du coup, je sais pas ce que vous disiez, mais c'est pour ça que vous répondiez pas quand je vous parlais. J'étais en train de parler, puis j'entends Matt qui part à un truc qui n'avait rien à voir. En fait, c'est. On était lancé pour avancer un petit peu, oui. Tu t'es fait des doses par Cristario. Ouais. Il y a des chances. Bah, allez-y, continuez du coup. Ben, si, oui, non. Chewie qui court dans le. Oui, on parlait du prank, ouais. Et de. Ouais, Chewie. Et comment, Xenu, t'avais une petite anecdote à ce sujet. Non, bah, c'était une connerie. Je la répète. Ah, zut. Non, mais je veux dire, j'imagine quand même, je veux dire, avec son costume de Chewie, devoir courir dans le désert de la Jordanie, ça devait pas être rigolo. Ah ouais, c'est clair. Courir après Ray pour aller la chercher, ça devait pas être marrant. D'ailleurs, il faisait combien de degrés sur Pasana, Ximut, toi qui étais en duplex? Plus 8000. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, ah, vraiment, il fait moins 8000. Ah. Je coupe. Hein? Non, c'est bon. Et du coup, oui, alors c'est trop génial cette scène-là. Vous vous souvenez comment ça avait l'air trop cool? Dans le trailer, avec Kylo, ça avait l'air super. Dans le trailer. Et ce qui est rigolo, c'est que un truc rigolo sur cette scène-là, c'est que pendant que Rey elle est en train d'y aller, il y a Finn qui crie Rey, et après qu'il y a eu la scène, bah il y a Finn qui crie Rey. Non, j'ai pas fait gaffe. Ah bah moi j'ai fait gaffe. Et à un moment, il y a même un bonus, il y a Po qui crierait. Le pauvre. Un peu d'originalité. Il se rend compte qu'elle l'entend pas et il envoie Chewie crierait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il se fait capturer en plus. Avec la dague et tout. J'ai tellement pas lâché la gueule de cette meuf qu'il envoie un autre mec derrière pour aller la récupérer. Enfin, il lui fout pas la paix, vraiment. Il laisse la vivre un peu, gros. Et donc, voilà, bah, il y a ce casse. Chewie se fait embarquer par le groupe de métal symphonique de merde, là. Ça y est, ils sont mis à un truc. C'est génial. Le seul truc qu'ils accomplissent du film, ils le font hors champ. C'est extraordinaire. Ouais, non, ils sont presque aussi, ils sont encore plus décevants que comment elle s'appelait déjà. Armure chromée là. Tu vois, il y a des trucs décevants et ça te s'embête. Mais là, eux, ils sont décevants et c'est trop bien. C'est vraiment le seul truc. C'est des space tokers, je trouve ça juste génial. Space tokers. Cool, c'est ça. C'est des gros poseurs les mecs quoi. et ouais, tu vois juste les mecs qui posent comme ça, et le seul truc qu'ils font, ils le font même pas devant tout le monde. Ça se trouve, tu sais pas, ils ont eu de l'aide et tout, et puis après ils ont fait genre, hey, on nous regarde, fais genre c'est nous, fais genre. C'est trop génial, je trouve que Kylo il décide d'être accompagné par ce groupe de gros abrutis. C'est... Les mecs, ils ont l'air cons comme des tables et tout, et ils s'entourent de ça. Ils se disent, ouais, je vais y arriver avec eux, ça va le faire, je vais retrouver la meuf et tout. Mais qui trouverait pas l'orbite pour pisser et. ils me font beaucoup trop rire. Sinon, bah, y a la scène avec Rey et Kylo, c'est rigolo. Enfin, c'était mieux dans le trailer en fait. Bah ouais, c'était mieux fait. La tension était mieux. Tu pensais que ça pouvait être une scène intéressante et en fait, après dans le film, tu sais que non. Et elle débouche sur la. Pseudo mort de Chewbacca et de Kylo, on est censé être mort. Mais quelques c'est secondes. Génial parce que on a regardé attentivement avec Chewie en re-regardant le film et le truc explose et il est pas encore sorti. Il est dedans parce que quand on le voit après. Il est encore dedans quand le truc explose et après il sort et il a tout va bien. Mais il est nickel, hein, le mec. Mais il est trop badass. Ouais, moi d'ailleurs, j'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas une caméra à l'intérieur parce que quand le truc explose, voilà, le truc il tourne, il doit être comme. Tout en était, tu faisais une scène où tu vois sortir du vaisseau et sauter, ça, et les pouvoirs de la force, il peut sauter. Ah non, moi je préfère qu'il. Je préfère qu'il ait la gerbe. Il y a Seito et Cousin Seb qui ont des théories sur Chewie. C'est génial. Chewie qui est allé demander le chemin au Schlag. Ou alors, en fait, il est sorti de lui-même. Il en avait marre d'entendre Finn qui J'en ai plein le cul de ces deux connards. Là. Chewie, il en avait juste marre. Et du coup, ils sont dans quel vaisseau les Schlag, parce que leur vaisseau se fait péter en plein air, qui le conduisait à vide, de toute évidence. Non. Alors, il y en avait deux des vaisseaux. Oui. Il y en avait un qui est parti et tous les personnages importants, ils étaient dans l'autre. qui n'a pas pris le même chemin que l'autre. Oui, parce que ce qui est génial, c'est qu'on te montre deux vaisseaux au sol. Bah, ils sont deux, ok. Il y en a deux qui ont atterri et ils mettent Chewie dans un des vaisseaux. Mais quand le vaisseau décolle, t'en vois qu'un seul. Mmh. C'est hyper malhonnête parce qu'on veut te faire croire à tout prix qu'il est dedans. C'est le but. Hein, en plus, assumer de cette scène, c'est assez malhonnête, je trouve. Mais même pas, tu vois le deuxième. Je sais pas, passer en fond derrière ou partir plus tard et traverser le champ, le cadre. Non, on t'en montre qu'un seul. Tu te rends compte que alors... Finn, il était là, il était en train de regarder. Le vaisseau part, le mauvais vaisseau part, il va voir, il est là. Non, mais c'était rompu une corde vocale avant de gueuler, donc il n'a pas pu lui dire. Il y a le bon vaisseau et le mauvais vaisseau. Le bon vaisseau, il décolle, tu le vois pas. Le mauvais vaisseau, il décolle, il se retrouve coincé entre Rey et Kylo, il explose. C'est extraordinaire. J'ai vu encore des gens qui disaient, mais pourquoi il lui tire pas dessus, Rey? Mais parce que cette scène est débile. Il voulait pas la tuer. Le mec... Il le dit. Hein. Il voulait vérifier que Rey était bien une Palpatine, et le seul truc qu'il a trouvé, c'est de lui foncer dessus avec son vaisseau. Ça n'a... aucun sens. Je sais que, je veux dire, en tant que fan du personnage, je sais que c'est un gros con. Je veux dire, c'est communément admis. Rey et Ben, c'est le trope des deux personnages qui sont trop stupides. Et c'est pour ça qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils osent pas se le dire parce qu'ils sont trop cons l'un et l'autre. Mais ça n'a aucun sens. Et après, du coup, il attrape le vaisseau pour continuer ce truc-là qui n'avait pas marché. Hein. ça n'avait pas marché. Je veux dire, elle a juste sauté par-dessus le truc, elle a pété son vaisseau. Bah oui, connard, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'elle fasse quoi? Pour être gentil avec le film, comment tu vérifies que c'est vraiment une Palpatine? Mais tu en fais pas une Palpatine? Oui, bon, ok. Dans ce cas-là, oui, mais d'accord. Admettons. La chauve-souris. Elle... dans la chauve-souris enragée, elle fait cette taille-là. Bon. Elle ouvre la porte. Il y a Palpatine de l'autre côté. Il fait... C'est complètement ouf, le truc. Et du coup, il tient le truc. Et alors, comment il savait que si elle forçait trop, elle ferait des éclairs? Et surtout, en quoi faire des éclairs? Ça prouve que t'es un enfant de Palpatine, alors que Dooku, il faisait des éclairs. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était un clone de Palpatine. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, parce que du coup, ça rend le pouvoir des éclairs inné et pas acquis. Ouais, demander qui c'est quand on débile. C'est trop con. Parce que du coup, le mec, après, dans la scène d'après, lui fait tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça dans le désert? Je voulais te pousser à bout pour que tu vois ta vraie nature. Mais connard, mais comment ça? Comment tu savais que ça allait faire ça? Tu savais rien du tout. Ouais, t'es trop con. Mais pourquoi? Ah, et l'autre qui regarde sa main là, tu sais, genre, oh non, j'ai fait des éclairs. Mais genre, comment t'as fait des éclairs sans le vouloir? Bah si, ça se peut, regarde Harry Potter, bon, il fait... le côté obscur, tout ça. Mais voilà, c'est l'air, c'est tout. Ouais, c'est ça, à la rigueur, ok, tu vois, ça peut... Mais pourquoi? T'as peut-être pas le truc le plus bancal du film. Le fait que les éclairs se soient transmissibles dans les gènes, c'est pas le truc le plus con du film. Non, on parle pas de ça. Il essaie de la pousser à bout, tout ça, voilà, je sais pas. Non, mais pourquoi il essaye de la pousser à bout en lui fonçant dessus avec son vaisseau? Mais qu'est-ce qu'il voulait voir? Je sais pas, ouais. On est déjà passé après. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est naze. Je dis non, c'est le contraire. Je dis pas que c'est pas naze. Je dis que c'est pas le truc le moins sensé du film. Il y a des trucs plus insensés. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, Kylo, il est allé voir l'oracle. Bon bah ça a été cuté du film. Et il a demandé à l'oracle, ouais, comment je fais pour draguer la meuf qui me plaît. Elle fait, bah c'est ce qu'on appelle dans le jargon faire du rentre dedans. Alors le mec, il a pris son vaisseau, il fonce dans Rey. Les littérales. Dans le chat, on dit, Ikan nous dit, on en sait quoi d'abord que Doku c'est pas un Palpatine. Ah, c'est son dedans. Il s'appelle Doku. En plus, je crois qu'il était plus vieux que Palpatine. Cousin Germain, donc, par alliance, tu sais pas. Et Cousin Seb qui dit que les éclairs, c'est un pouvoir de fourche langue. Donc c'est pour ça, ça colle, du coup. Bah, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure qu'elle avait la main engourdie. Bon, bah, des fois, t'as un petit peu d'électricité statique, tout ça. Bon, bah, voilà, merde, ça a fait un gros... Merde, j'avais dû se frotter sa main contre un tissu en laine et c'était juste... Par contre, un vrai truc qui est par rapport à cette scène qui est du foutage de gueule, encore une fois, elle vous rappelle pas une autre scène, cette scène-là, où il y a Rey et Kylo d'un côté, chacun d'un truc et qui le tire chacun vers soi? Ah ouais, ouais. Maintenant et vous vous souvenez quand la dernière fois qu'ils ont fait ça, Rey, elle a pas fait d'éclair du tout? Et pourtant, elle était en train de littéralement hurler. Mm-hmm. C'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'il savait pas encore que c'était une. Il savait pas encore que c'était une Palpatine. Ouais, ah, il tirait sur le sabre laser, mais pas de la bonne façon. C'est pas la même. Mais sans que ça aussi, c'est une épreuve d'interville, là. Genre, tu tires avec une corde. Mais oui. Le sabre, il a cassé avant. C'est pour ça, il a pas le temps. Elle a pas le temps de jeter des éclairs. J'en peux plus. Bah, faut qu'on avance par contre. Hein. Ah bon, ça ouais. Chewie, en ce moment-là, on croit qu'il est mort. Et puis, c'est, comme on dit, c'est une des seules fois où le film est hyper malhonnête avec le spectateur. Mais bon. Bon, ça va, c'est littéralement à la scène d'après qu'ils le disent que c'est pas. Mais justement, pas mort. C'est encore une fois où le film, tu sais, il te met un truc, waouh, il y a de l'émotion. Et puis en fait, c'est debunk, genre quelques minutes après. Ça, dans le live, il a appelé des montagnes russes, c'est qu'il te fait monter, voilà, t'as un pic d'émotion et juste après, ah bah non, en fait c'était rien. Alors il fait le coup avec Chewie, il fait le coup avec ses 3PO derrière, c'est juste naze. En fait, quand tu le revois a posteriori, à froid, quand tu sais tout ça, ça marche plus du tout, ça, ouais. C'est zéro. Ouais. Pour moi, c'est un film malhonnête, il joue de façon malhonnête sur les émotions du spectateur et je trouve ça vraiment naze. Quoi. Et puis à la fin, il te jette dans le gouffre avec Ben, littéralement. Voilà. Ah, tenez, voilà deux vrais morts, c'est les deux Skywalker, vous savez, ceux dont le nom est dans le titre. Ah oh, putain. Ensuite, c'est désamorcé trop vite. Soit tu le faisais, soit tu le faisais pas. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu genre on a peur qu'il y ait un backlash, alors du coup on les fait crever, mais en fait ils crèvent pas. Une autre question. Pourquoi Chewie il est sorti genre fin d'épisode. Excuse-moi, trop vite. Fin d'épisode de la série. Le vaisseau il fait boum. Oh, il est mort. Et épisode suivant, ah bah non, en fait il est pas mort. Ça fait vraiment ça. J'ai l'impression qu'on avait foutu la fin et le début d'un épisode d'une série un peu naze, bout à bout. Une vraie question, par contre, par rapport à la scène aussi, c'est pourquoi Chewie, il est parti avec le sac où il y avait tous les objets au lieu de les laisser à bord du vaisseau. C'est là où il y avait ses rouleaux de PQ. J'allais dire qu'il avait un dildo dans son sac et qu'il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi il est parti avec le sac qui avait la dague dedans? Les mecs, c'est lui qui la ramasse. En fait, les mecs, ils. Oui, mais pourquoi il a pas posé le sac dans le vaisseau? Bah oui. Mais comme ça, enfin, c'est des. Mais c'est pourquoi tout le film? Pourquoi tout le film? Ça, c'est pareil que le reste. Et il faut que la dague soit à tel endroit, à tel moment, donc on le fout là, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant parce que dans la scène d'après, ils en ont rien à foutre que Rey elle ait tué Chewie, genre personne ne. Enfin, Poe, il passe son temps à parler mal à Rey et tout, mais là, elle a tué Chewie et il lui dit rien. Même pas, il lui en vole, c'est clair. Enfin... C'est assez étrange. Mais après, pour la qui se méfie d'elle, c'est elle-même. Enfin... Pour Chewie, je rappelle que du coup, il est ni de gauche ni de droite, donc ça se trouve, il s'est dit, c'est bon, j'en ai marre de cette merde, je vais leur filer la dague aux autres, après tout, pourquoi pas, ils ont pas l'air pour méchant les autres. C'est vrai que c'est ça. J'aime bien leur style. Bref, oui, après, voilà, il faut continuer la mission pour Chewie. Genre, vous deviez pas le faire parce que tout le monde va mourir sinon? Non, genre vous alliez abandonner là parce que bon c'est trop dur. Enfin, c'est... Comment ils martèlent déjà si on arrête, si on foire cette mission, bah, tout ce qu'on a fait, ça aura servi à rien. Ouais. Tu vois, quoi, en fait une autre réplique qui est dite et, à un moment et redite 5 minutes après par un autre personnage et ça n'a aucune signification. Quoi. Ouais. C'est complètement con. Oui, cousin, ça, oui, dans les Legends, chez oui, c'est le premier perso principal, si on peut dire, à mourir. Et je crois que de mémoire, il meurt écrasé par une planète. Oh. Allez, tu meurs de façon épique ou tu meurs pas, c'est tout. Voilà, ça avait une autre gueule déjà. Ouais, du coup, ils vont à Kijimi pour voir Babu Frick. Ah, il n'y a aucune raison d'y aller. Bah non, parce que. John Williams, voilà, c'est le barman. Ils se rendent compte que. Ouais. Mais genre, il fait une de ses têtes, c'est merveilleux dans le truc, il les voit passer, il fait ouais. Ah putain. Moi pendant qu'on regardait le film, on m'a dit oh, c'est Croutel. C'est non, quoi, Croutel Attends, je suis. C'est vraiment Croutel. c'est quoi pour ça, pas connu, notre copain du web, c'est le papa de copain du web qui doit être le boomer et le personnage et la plus cool de l'univers, clairement. Oui. Je vais être quand je suis vieux. C'est juste que voilà, physiquement, il faisait penser un peu à John Williams. On imaginait Croutel. Eh, mais faut qu'on fasse un truc. Hein. Voilà. Donc, oui, non, ils vont sur Kijimi parce qu'il leur faut un hacker, Hackerman, pour aller dans la mémoire du droïde. Parce encore. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Quelle quête à accomplir. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont faire ça pour qu'ils puissent leur traduire le truc. Et à aucun moment ils se disent pourquoi ils lui demandent pas juste utilise les informations qu'il y a sur le truc pour nous emmener là où il faut au lieu de s'emmerder à aller chercher parce que il a pas le droit de traduire mais il a pas dit qu'il avait pas le droit de suivre les instructions. Oui mais s'ils le disent enfin ils auraient pas pu dire « Seule la dague le dit » et après Ray, elle aurait pas pu voir l'étoile de la mort et faire « Oh mais ouais, seule la dague le dit » et puis mettre de la dague devant parce qu'ils auraient pas eu cette phrase-là. Ultra importante. Ils ont fait le film à l'envers en fait, ils sont partis de la fin et ils ont fait le truc à rebours. Très vite, hein, mais Babu Frick, il est chouette, hein, super le hacker, c'est bien, il a fait son taf, hein, mais le mec est pas foutu de faire un backup d'un droïde avant d'effacer la mémoire. Non, il sait pas. Mais tellement. Ouais. C'est pas, surtout qu'ils en parlent juste avant, ils disent mais R2 il a pas un backup de toi et puis l'autre il fait ouais R2 il est pas très fiable et c'est vrai du coup pourquoi ils font pas un backup. Ouais bah écoute ouais, fallait ramener leur propre clé USB et puis voilà. Ouais, c'est ça. Je fais pas la copie d'abord. Ils avaient pas le budget pour les clés USB, ils avaient des clés USB custom, tu vois, une en forme de Claude, des trucs comme ça, mais c'est trop cher alors ils ont fait ouais tant pis, efface tout. Mais bref, enfin, il y a une réplique rigolote quand ils se battent dans la rue. Il y a Zori qui donne l'ordre et elle fait Jakanka. Et puis il y a Po qui dit Don't Jakanka. Et c'est sa meilleure blague. Oui, c'est vrai. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que du coup, après ça, Ray et le personnage qui est là pour faire comprendre que Po n'est pas homo se battent. Ouais, mais moi, c'est trop drôle. Elle la fout par terre, elle lui dit t'es quelqu'un de bien, alors je vais t'aider. Mais j'ai pas compris. Non, alors, parce qu'elle s'est fait botter le cul. Attendez quand même. Respectez quand même le seul moment où Ray parle avec une autre femme à part Leia dans toute la trilogie. Ouais. Mais tu sais trop pas, bien, ça se trouve, hein. Zori, elle est lesbienne, elle se fait botter le cul par Rey, elle fait ouais, ok. Ok, je t'aide. Je vous assure un mood. Alors, tu vois, je vais être peut-être méchant, mais tout à l'heure, tu disais que tout le monde jouait bien. Et j'ai dit non. Ah, je ouais, parlais non, de Zori. Elle est pas au top, c'est vrai. Je trouve pourtant, que Zori, elle joue vraiment pas mal. Pas bien. Carrie Russell, d'habitude, j'aime bien, mais c'est vrai que là, comme quoi, jouer quasiment tout son rôle avec un casque, bah, c'est pas donné à tout le monde. Mais oui, c'est vrai, putain. Mais je pense, à mon avis, c'est pareil. Hein. Elle a dû faire un pari avec Monahan et Abrams, parce que déjà, c'est une des actrices fétiches d'Abrams, comme Monahan. Ouais. Mais aussi parce que elle a même pas le droit d'enlever son casque, quoi. Et à la rigueur, mais c'est marrant en fait les deux. Ouais, c'est ça. Oh, mais ils auraient pu montrer. En fait, ils auraient pu montrer que pourquoi elle n'enlève pas son masque, genre une blessure ou quoi. Genre, elle aurait pu mettre sa main à sa joue ou un truc comme ça, genre en mode faire comprendre aux spectateurs pourquoi elle n'enlève pas son masque. Mais là, c'est juste à mon avis, ouais, c'est une cosplayeuse aussi quoi. En fait, dans ce film, il n'y a que des putains de cosplayers, c'est incroyable. En tu fait, sais pas, elle a mis 3 heures à mettre son casque, elle va pas mettre 3 heures à l'enlever. Ouais, mais c'est un truc de fou. Ouais. Mais en fait. C'est vrai, tu mets le doigt sur un truc, c'est que les deux acteurs qui jouent pas bien dans le film, c'est les deux potes de JJ qu'il a ramené dans le film, quoi. Ils font des persos qui servent pas à grand chose au final, parce qu'il y en a un qui sert juste à faire le truc de Zori. Il y en a un qui sert juste à faire de l'exposition et l'autre qui sert juste à dire que Bo il baise. Hashtag no. À la rigueur, le troisième. Le troisième qui est Greg Grunberg, je crois mais que c'est ça. Lui, il était là depuis le 7. Oui, c'est Snap. Ouais, mais il joue bien. Ouais, ouais, regarde, lui, il joue bien, tu vois. Ouais. Mais genre, tu vois, la meuf, elle arrive, elle fait « Je vais te buter, ferme ta gueule. » Et puis après, elle dit « Ok, je vais aider Ray, mais plus jamais elle en veut à Po. » Et c'est genre « On est copains comme cochons, maintenant. » Ouais, elle lui dit « Allez, vas-y, pars avec moi. » Genre « Mais qu'est-ce que tu fais, là ?» Et tu voulais pas le buter parce qu'il t'a abandonné dans une prison ? Ou dans un... Il l'a enfermé quelque part et il l'a abandonné dedans. C'est ce qu'elle lui dit. Elle fait, je vais te buter parce que. Il fait, oh, tu t'en es toujours parmi. Ben non, connard. Et puis à la fin, bon, en fait. Non. D'ailleurs, il y a le bouquin qui est sorti, là, il n'y a pas longtemps. Du coup, on sait. Spoilers pour le. De toute façon, il paraît que c'est un livre de merde. Pour Free Fall. Non, à cause de lui, la mère de Zori est morte. En fait, dans le bouquin, tous les gens qui l'ont lu, ils disent, en gros, l'antagoniste, c'est Po et c'est à cause de lui que. Enfin, il a ruiné la vie de Zori, mais vraiment. Ouais, voilà, donc c'est encore moins de sens que. Elle a aucune raison d'être sympa avec lui. Ouais, parce qu'elle l'aiderait, ok, mais. Ouais, pardon. Non, t'inquiète, mais en parlant de ça, est-ce que. Parce que bah, je vais certainement pas lire ce livre, hein, mais est-ce que. Est-ce qu'on a une réponse hein, genre, en fait, il était vendeur de cinnamon rolls avant. Avant d'être dans la Nouvelle République ou comment ça se passe? Oui, ouais, il avait réponse. 16 ans. Allez, on s'en bat les couilles. Ok, d'accord, juste pour savoir. C'était sa crise d'ado et puis après papa l'a repris et l'a fait rentrer dans la résistance. Ouais. du coup, il y a tout ça et à un moment il y a quelqu'un qui fait pas de blague et t'as Bagboufric qui rigole et je me suis dit mais enfin c'est même toi qui l'a dit à voix haute et pourquoi il rigole et c'est vrai. Pourquoi il rigolait à ce moment-là ? Je sais pas, je pense qu'il venait à un nervous breakdown. Il en a juste marre, le mec. Le mec, il regarde tout ce qui se passe dans le déchiré, en fait. Babou. Non, mais en vrai Bagboufric qui rigole et même qui se présente à ces 3 BO, c'est mieux que vraiment 95% du film. Ouais. Ouais, par contre, tu sais ce qui est pas terrible ? Bah, tout le reste. Oui, non, mais à part ça. c'est que le Bagboufric que tu vois à la fin dans les Great Wings, c'est exactement le même shot que dans la première fois où il fait hey hey. Mais c'est comme exactement le shot. C'est la même image. Mais c'est comme si on passe à Anna, c'est la même image que l'image de fin quoi. Copier coller, c'est incroyable. C'est hyper flag. C'est au deuxième vidéo. Ah ouais. T'en as rien à foutre à ce point-là. Mais moi, j'ai pas vu le deuxième visionnage parce que j'étais en train de me facepalmer à cause des répliques de Zori dans son Y-Wing. Là. D'ailleurs, bon, là, j'accélère un peu, mais à un moment donné, elle donne son jeton à Po pour qu'il puisse pourquoi s'en elle aller. Fait ça et du coup, elle, comment elle est partie? Ouais. Pourquoi elle le donne à lui? Pourquoi elle le donne pas à Ray en mode Po, je peux plus blairer, il a tué ma mère, mais toi, je t'aide bien parce que t'es bonne. D'ailleurs, petite question, soyons honnêtes. Qui se souvenait que Kijimi explosait? Je n'avais même pas capté que c'était Kijimi. Après, j'ai vu 3 fois le film, donc 4 maintenant. Moi, je me souvenais pas, j'ai pas capté que c'était Kijimi qui explosait. J'avais oublié qu'il faisait exploser. Vous vous rendez compte que il a encore fait péter une planète et c'est celle dont on se fout le plus de toute la saga. Ça m'a buté. C'est genre, ah, il faut leur montrer l'exemple. Détruisez une planète auquel ils tiennent. Et en fait, ils s'en battent les couilles de cette planète-là. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Hop, c'est ça là. C'est ça, non seulement ils s'en battent les couilles, mais en plus, absolument tout le monde survit, quoi. Oui, alors qu'il y avait un blockade et que ça faisait 10 ans qu'elle pouvait pas partir de là et qu'elle avait enfin eu son jeton de pour s'échapper et qu'elle l'a filé à Pau. En fait, ça se trouve, ils se sont dit, quand ils sont allés pour détruire la planète, du coup, ils ont dit, ouais, bah, du coup, la flotte, elle se casse, et du coup, bah, y a tout le monde qui s'est cassé aussi, tu vois. Ah, ils étaient tous prêts dans leur cockpit, tu sais. Le problème, c'est que le film te le dit, en fait. Il te dit, je peux pas m'en aller. Il faut un truc comme ça, regarde, j'en ai un, je te le donne. Ouais. Comment tu peux t'en aller, et du coup? C'est rigolo parce qu'elle lui donne, et à ce moment-là, il y a un truc trop bizarre quand elle lui donne à Po. Et à Po, il se tourne face caméra, et comme ça, il fait. Je suis tellement pas gay, mais je suis le mec le plus hétéro que vous verrez jamais de votre vie. La vie de vous, je suis tellement hétéro, vous avez pas idée. Et après, le film continue. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais honnêtement, en plus, quand il lui dit, quand il lui demande de l'embrasser, là, est-ce que je peux t'embrasser? J'aurais trop voulu qu'elle lui tire un coup de blaster dans la gueule, tu vois. Genre... c'est comme jambe. Ça qu'il meurt. Dans la jambe, à côté des couilles, peu importe, tu vois. Genre en mode, t'es sérieux? Oui, parce qu'il y a Kylo et tout qui arrive. Je me souviens même plus comment ils savent d'ailleurs. Comment ils savent qu'ils sont là-bas? Ils le disent pas en fait. Mais non. Je crois que c'est Hux qui le dit. Hux et Pride, ils sont là parce que Hux, il propose de faire péter la planète. Et l'autre, il lui montre son doigt. Il dit, regarde mon gros doigt. Mais je sais pas, ils sont tous là à faire l'exposition tout le long pour expliquer les incohérences. C'est insupportable. Je me souviens plus. Vous vous rendez compte qu'on a vu le film hier et on se souvient plus de comment ils ont découvert où étaient les gens déjà. C'est dire à quel point on était. Je me souviens, les Schlagofren, ils l'ont suivi avec leur vaisseau. Oh. Ils étaient cachés. Ils l'ont, ah oui, ils l'ont le vaisseau qui fait de la fumée. Voilà, ouais, le troll. Mais oui, c'est vrai, ils ont fait. Mais j'ai dit en plus à Tuki, c'est comme Boba Fett. Mais oui. C'est le mais même c'est plan. C'est vrai, exact. Il est juste reversed, mais c'est le même plan que quand c'est Boba Fett, il les suit Fett. à travers les déchets. Mais oui. C'est vrai. Sauf que là, c'est des astéroïdes. Oui, ils ont suivi sur Kid Jimmy, voilà. C'est vrai, c'est ça. Mais c'est vrai, en plus, il y a un plan sur les Chevaliers de Rennes dans le marché de Noël, là. Oui. C'est génial. Les mecs, ils sont là. D'ailleurs, notre envoyé spécial, Eximut, t'en as pensé quoi du marché de Noël de Kid Jimmy? Ah, bah, excellent vin chaud. Est-ce que les épices sont bonnes? Mais les épices, est-ce qu'elles sont bonnes? Ah ouais, non, les petits gâteaux aux épices, tout ça, voilà. Franchement, je vois pas pourquoi les gens s'excitent sur les Spice Runners. Moi, ça me donne l'air des gens très, très bien. Hein. Je vois pas où elles prennent. En plus, il y a des cosplayers dans leur rang et tout. Ah ouais, il y a des petits gâteaux là. Très, très bien. Je recommande. Dommage que la planète s'est explosée. Et comment tu t'en es sorti alors avec ton passe-presse? Figure-toi que je me suis accroché à un morceau de scénario qui s'envolait de la planète. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir comme ça, mais c'était chaud. Hein. Bien joué, avant bien joué. Qu'on avance enfin, parce qu'on se casse sur cette planète aussi, nous. Bref, le film ouais, m'a ils fâché arrivent. Parce qu'Anthony Daniels, il donne tout. Mais oui, oh, j'ai pleuré. C'est un des plus grands. Enfin, je trouve que c'est un des plus. Son highlight quoi, dans la saga, il est ouf à ce moment-là. Oui, déjà, oui, il est très bon tout le long du film, pour le coup, Anthony Daniels, mais là, il est dingue. J'ai trouvé, il m'a fait chialer. J'ai chialé pendant le film, j'ai chialé pendant le trailer. Et encore une fois, c'est hyper malhonnête parce que bon, là, ça tarde un peu plus, mais pareil, ça sert à rien. Quoi. Et puis surtout, c'est triste. Enfin, t'imagines le mec qui doit faire ses adieux et puis il se retrouve face à des gens qui ont passé leur temps à l'insulter. Tu sais, oh, au revoir mes amis. Et puis juste après, t'as Babou. Et t'as Babou qui. Comme ça après, genre. ça amène quelques scènes rigolotes où voilà, il essaie de se présenter, machin, il est paumé, il sait pas où il est. C'est mignon, c'est rigolo, mais je sais pas, quand tu donnes une telle intensité à une scène, faisant quelque chose derrière, tu peux pas. C'est juste du gâchis en fait. C'est des montagnes russes, comme je disais dans le live, c'est une montagne russe. Là, encore une fois, on nous emmène très haut et puis ça retombe à plat. Et moi, par contre, j'ai bien aimé ça parce que ça nous a permis quand même de. Enfin, le wipe de mémoire était cool, mais surtout, ça nous a permis d'avoir la meilleure réplique du film. Enfin, l'une des meilleures répliques du film où vraiment il parle de Babou Frick Et il y a C3PO, je sais plus c'est quand c'est exactement. C'est un de mes plus vieux. Bah, je vais te le dire quand c'est. Ouais. Bah, pour dire à quel point Zori, elle sert à, juste à faire que Po, c'est un hétéro pur et dur. Quand ils arrivent sur la planète où il y a Janna et tout, Janna, elle arrive. Elle fait ouais, on a reçu un message de Babou Freak. Il a dit que vous étiez le dernier espoir. Et genre, quoi, c'est Babou Freak qui l'a appelé? Il y a 2 minutes, il parlait pas français. Il y a 2 minutes, il pouvait pas parler. Mais non, c'est lui. C'est pas Zori. Zori, elle peut aller se faire voir. Zori, elle sert à rien. Tu la retires du film. La scie est passée, il est redescendu. Non, puis il trouve un nouveau jeton là maintenant qu'il s'est débarrassé du premier. C'est merde. Et puis l'avantage de et c'est là ces 3PO qui perd la mémoire aussi, c'est qu'on a la première scène de sexe gay dans Star Wars quand il retrouve R2-D2. Ah oui, et qui se fait pénétrer. Ah ouais, genre. Pas vraiment avec un consentement en plus, mais. Et c'est, du coup, c'est quand elle dit que Babou Freak les avait appelés, tu fais « Oh, mais c'est un de mes plus vieux amis !» Ça, c'était drôle aussi. Ouais. Ça, c'était très drôle, ouais, je trouve. Voilà. Vous savez ce qui est pas drôle ? Ce que t'as mis à l'écran, là. C'est ce que j'ai mis à l'écran. Ah, putain, oui. c'est la logique de ce truc. Mais moi, je suis un peu jaloux. Parce oui, que, je vais dire ce que c'est après. Je suis un peu jaloux parce que j'aurais bien voulu que mes parents ils me vendent pour me protéger aussi, franchement. Parce que tout le monde est tellement jaloux de Rey. Je veux dire, moi, mes parents, ils m'aimeraient tellement. Ils gagneraient de l'argent pour se débarrasser de moi, tu te rends compte? Pour me protéger mon enfant. Et si j'allais le vendre à un mec super louche sur une planète pourrie où il n'y a même pas un brin d'herbe, je serais bien là-bas. Mais elle n'est pas sur Jakku. Juste un petit truc. Est-ce que vous aussi, vous avez tiqué quand il lui a dit « Je ne t'ai jamais menti » alors que vraiment, dans le film d'avant, il lui dit « Ouais, tes parents, c'était des pauvres qui t'ont vendu pour boire, en fait. » Non, mais c'est non, un moment Reddit, encore une fois. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, tu sais. La jurisprudence Obi-Wan, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Non, mais vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'il lui dit ça par rapport... Ça dépend du point de vue. Il dit « Je t'ai jamais menti, tes parents n'étaient personne. » Sauf que si vous n'êtes pas con, contrairement à JJ et Chris Terrio, vous vous souvenez que dans The Last Jedi, c'est pas lui qui dit que les parents de Rey étaient personne. C'est Rey. Donc oui, tu lui as pas menti. C'est elle qui l'a dit, connard. C'est elle qui a dit. Il lui dit... Il l'amène quand même à s'en rendre... Il l'aide à s'en rendre compte. Non, il lui dit « Dis-moi la vérité sur tes parents. » Il lui dit « Tu connais la vérité sur tes parents. Dis-le. T'as juste peur de le dire. Dis-le. » Et elle dit, ils étaient personne. Et après, il lui dit tout son truc du ouais, t'es personne. C'était des gros crados et tout. Mais c'est elle, depuis le début, c'est elle qui a dit que ses parents étaient personne. Ouais. Et alors pourquoi, dans l'inconscient collectif, c'est lui qui lui a dit? Il ne lui a pas dit. Il l'aide à se rendre compte, c'est quand même. S'il n'avait pas été là pour. Oui, mais pour c'est faire le travail, je veux dire, si je t'aide à te rendre compte d'un truc, c'est pas moi qui t'ai donné l'idée, enfin qui t'ai dit de le dire. Mais si, tu l'influences, tu joues quand même un rôle, tu le dis pas, ok, mais il a quand même joué un rôle dans le truc. Mais il sous-entend jamais que c'était personne, tu vois? Il dit juste, tu sais ce qu'ils étaient. Et elle fait, bah ouais, et elle le dit. C'est pas lui qui fait, tu sais ce qu'ils étaient, hein, ils étaient pas grand chose, hein. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais bon, oui, après, il peut pas dire. C'est naze parce que voilà, il dit, ah oui, ok, j'ai pas menti sur ses parents, par contre, j'ai rien dit sur ton grand-père. Ah ah ah. Ouais, de toute façon, il a cette idée. T'as le problème, quoi. Je suis en train d'imaginer. Et attends, t'as pas encore entendu ce que j'ai dit sur ta mère. Et devine qui c'était ton grand-oncle. La suite va t'étonner. Ouais, non, bon moment Obi-Wan. Le mec, il insulte ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses 3 générations pendant 5 minutes. Sinon, Ika dans le chat nous dit que le concept de départ de ce duel, que c'est une idée pas trop mal exécutée. Moi, je suis un peu d'accord avec lui, ne serait-ce que, enfin, sauf si en fait, on enlève, comme ce qu'a dit Chucky, le dialogue, enfin, faut qu'on enlève le dialogue et aussi le montage qui est ignoble. Hein, mais vraiment, le montage. J'ai une question par contre, du coup. C'est ok, c'est sympa et tout, mais expliquez-moi pourquoi ils se battent. C'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est justement, c'est que l'intérêt d'un duel ou d'un combat dans Star Wars entre deux personnes qui ont un sabre laser, généralement, c'est qu'il y a un enjeu. C'est qu'il y a, il y a quelque chose derrière, tu te bats pas plus pour rien. Là, ils sont en train de parler, en plus de dire de la merde. Et ils se battent pour pas grand chose, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Ça va amener nulle part. Quand réalité. Même, il espère qu'en la manipulant comme ça, il la forcera à prendre, à la rejoindre. À la, mais à, c'est à, elle à... qui l'attaque. Ah, ça, oui, oui. Et d'ailleurs, bon, ça au moins, ils l'ont pas trop foiré, c'est que dans tout le film, il est toujours. Pas sur la défensive, mais soit il essaie de la désarmer, il fait que pareil. Hein. Oui, oui. Je crois. C'est toujours, justement, ça, c'est toujours elle qui l'attaque en premier dans tout, hein, dans le 8, dans le 9, dans le 7. Peut-être une réaction de, je sais pas, une réaction de... Parce qu'elle sait, elle sait ce qu'il veut et elle veut pas l'accepter, donc ben c'est, voilà, elle sait et très bien qu'elle va pas sait... le laisser juste sortir. C'est surtout qu'elle veut pas admettre que ses sentiments pour lui, et du coup c'est pour ça qu'elle est énervée dès qu'elle le voit, parce que c'est faire face à ce qu'elle refuse de s'admettre. Ouais, il serait dans la cour de récré à lui tirer les cheveux, quoi. Ouais, c'est ça. Je t'ai piqué ton sac de billes. Tiens, j'ai craché dans ton yeux. Mais le problème, c'est que, ouais, c'est sympa et ça fait partie de tous ces trucs qui font partie des trucs que moi, je voulais qu'ils soient dans le film. Donc, le fait que ce soit Rey qui initie tout le temps qui initie le combat avec lui. Le truc, c'est que il n'y a aucune raison pour qu'ils se battent. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, lui, il veut qu'elle finisse son chemin vers le côté obscur. Elle, elle veut pas, et elle sait très bien qu'elle va pas juste sortir de la pièce et lui, il va rien faire. Parce qu'il va continuer à la pousser à bout, à pousser les boutons qu'il faut pas. Je sais pas, non, ça me semble pas totalement incohérent. Ouais, mais et puis de toute façon, c'est fini, c'est même pas avoir. Les combats, c'est une manière pour dans Star Wars, les combats, c'est une manière pour les gens de parler en fait. Les combats, on s'en fout. Ils parlent comme ils feraient des dialogues en fait. C'est... Ouais, là du coup, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup ça avec Anakin. Oui, mais du coup, là, il y a comme ils disent de la merde. Bah... Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. Enfin bref, du coup, elle sent qu'il y a Chewbacca. Finn ne le sent pas parce que lui, il peut sentir que Rey. Il a un pouvoir avec la force très, très spécifique. C'est... Non, il sent pas que Rey, il sent aussi quel est le vaisseau sur lequel il faut tirer à la fin. Oui, c'est vrai. Voilà, oui. C'est important. C'est spécifique. Hein, c'est vraiment, on n'a pas parlé d'un truc drôle. C'est quand ils croisent les Stormtroopers dans le couloir et que elle leur dit ouais c'est bien qu'on soit là et tout et les mecs ils sont genre oh c'est trop cool que vous soyez ici. Ah oui. Ouais. Est-ce que c'était des acteurs particuliers ces deux mecs ou je me demande ça ressemble à un truc de caméo j'ai l'impression. Ouais ça ressemble à des trucs de caméo mais je sais pas qui c'était. Ok. Non, c'était juste une question comme ça, j'ai vraiment oublié. Non, moi, j'ai pas eu d'infos particulières. Les Stormtroopers sont rigolos quand ils sont sur le vaisseau où il y a Chewbacca qui est retenu prisonnier. Parce que si on skip un peu plus loin, quand t'as les droïdes qui sont restés dans le hangar et t'as ces 3 PO qui est en train de faire blablabla. Et puis les Stormtroopers. Ah oui, non, les droïdes, d'accord. Et t'as des Stormtroopers qui fait mais c'est même pas un langage ça. C'était vraiment, j'avais jamais vu ce truc là. Quand on était allé le voir au cinéma, on l'avait pas vu. Et là, j'ai failli le louper. Et je suis retourné en arrière, j'ai fait attends, c'était quoi ça? Et puis, tu sais, t'entends, c'est trop bien. Blablabla. That's not even language. Ça, c'était super drôle. Je me souviens que tu l'avais pas vu au cinéma parce que j'avais essayé de te le raconter, mais comme le film allait trop vite, je pouvais pas. Et surtout, clignez pas des yeux trop longtemps dans ce passage là parce que c'est à ce moment là qu'on a le C-3PO qui porte l'arbalète et la ceinture de munitions de Chewbacca et qui apparaît sur un poster comme ça. Donc, pendant une seconde. Ça vient de ce moment là. Hein, c'est vraiment... Il y a cousin Seb qui dit que Karl Urban était l'un des deux tout en trompe. Ouais. Oh, trop bien! Karl Urban, je suis bien qu'on le revoie ailleurs dans Star Wars pour le coup. Ouais. C'est un super chouette acteur, j'aime beaucoup. Ouais. Qui ça? Karl Urban. Il apparaît deux fois, il apparaît pas que en tant que Stormtrooper. Non, il dit que Matt disait que ce serait bien de le revoir. Il y a un autre rôle, genre sans casque, qui est crédité. Vous le voyez, il est de, si vous regardez The Boys en ce moment, bah, c'est Butcher. Si vous regardez Le Seigneur des Anneaux comme quelqu'un de normal, bah, c'était... merde, je l'avais son nom. C'est le neveu. Éomer. C'était Éomer. Ah, je ne sais pas, tiens. Et c'est aussi... ah, vas-y. Et dans Thor Ragnarok, c'est celui qui fait du shake weight. Et dans les, et ben justement dans les Star Trek de JJ, c'est celui qui fait le docteur. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui aime pas être dans des vaisseaux. C'est con quand même. Autre petit truc qui m'avait fait rire avec les Stormtroopers, tant qu'on y est, hein, je rebondis là-dessus, c'est le moment où ils sont au sol, ils lâchent pas leurs armes, et les mecs ils disent au moins 5 ou 6 fois drop your weapon à chaque fois que t'as un autre groupe de Stormtroopers qui arrive, ils leur disent ça, et les mecs ils finissent par lâcher au bout de 10 fois au moins. Ça m'avait juste fait rire, je sais pas si c'est volontairement comique ou pas ce passage-là, mais ça fait assez marrer quoi. Ouais, je trouvais ça un peu ridicule, tu sais, ils sont complètement entourés, et puis on leur dit « drop your weapon », et les mecs, ils sont genre « non, je vais pas la lâcher ». Non, non, on a encore une chance, je suis sûr que si on y croit, on peut encore y arriver. Tu sais, ils viennent de buter plein de Stormtroopers, et Poe, il fait « hey, fellas !» alors qu'il vient de se faire tirer dessus. Et les mecs, ils les regardent juste. Ouais, les Stormtroopers giga passifs. Mais pas agressif. Mais moi, ce que je trouve fort, c'est quand même, c'est là qu'on voit que c'est de la science-fiction Star Wars, que c'est de l'imaginaire, hein, c'est qu'on a quand même les Stormtroopers, donc basiquement des soldats d'extrême droite qui parviennent à se contrôler et à ne pas tirer sur des personnes au sol désarmées latino ou. Ouais, ouais. C'est triste parce que c'est voilà, enfin, c'est pas très drôle en vrai, mais pour le coup, eux, voilà, ils Oui, mais c'est parce que c'est plus des suprémacistes blancs, maintenant c'est des suprémacistes humains. Non, mais c'est parce que surtout, ils savent très bien qu'ils visent mal et ça pourrait ricocher contre le sol. Ils pourraient buter. La dernière fois, il y en a un, il a essayé et puis il a buté Vincent, ils ont arrêté. Bref. Donc. Il y a le merveilleux reveal de Hux. Ouais, il y a Hux. Ah oui, Hux. Parlons de ce gâchis. Bah rien, Hux il fait « C'est à moi l'espion !» Et puis Tolt il fait « Ah, je le savais !» mais en fait, caché. I need Kylo Ren to lose. C'est soit ils n'ont pas compris le personnage, soit ils s'en battaient la race, je pense qu'il y a certainement un peu des deux. Oui, c'est toi et eux, on connaît leur matricule aux Stormtroopers, contrairement aux flics. Ils ont clairement pas compris le personnage, parce que, oui, il veut que Kylo Ren perde, mais il veut pas... Il veut Clarisse prendre sa gagne. Place. Pour lui, le premier rang, ce qu'il veut, c'est que ce soit lui quoi. Qui gagne. Ah ouais. Et ouais. Il irait jamais trahir le premier rang. Mais oui, il serait en train de ploter contre Kylo Ren pour faire échouer Kylo Ren, mais pas contre le premier rang. Alors qu'il pourrait ploter Kylo Ren directement. C'est bizarre de dire ploter. Pardon. Il irait intriguer contre Kylo Ren au il sein irait du jamais premier du côté de avec la résistance. Comploter, c'est un vrai mot. Quand on voit l'état de la politique actuelle, que des mecs soient prêts à trahir leurs idées pour faire chier les autres, ça me semble pas complètement... Mais pas lui, parce que de ce qu'on sait de lui, non, il est vraiment endoctriné. C'est un produit de l'idéologie du premier ordre. C'est Hux, c'est lui qui a détruit la République. Hein. C'est Hux... C'est lui qui a fait tirer Starkiller, c'est pas Kylo Ren. Contrairement à ce que tout le monde a l'air de croire, c'est Hux. Oui. C'est lui le mass murder. Ou peut-être il dit ça à Finn. Je rappelle que Hux tue son père pour pouvoir accéder au rang qu'il a dans le premier ordre. Il tue son propre père pour pouvoir avoir accéder au rang. C'est lui qui fait monter Phasma également en grade et compagnie parce qu'ils but, ont c'est... Ouais. même Ils esprit... Sont... Son but, c'est d'être à la tête du premier ordre depuis toujours. C'est pour ça que quand Snoke est mort et qu'il a vu que l'autre était à terre, il s'est dit hey, du coup, comploter contre Kylo Ren, c'est logique. C'est le fait de trahir le premier ordre qui est bizarre. Ce qui aurait été plus logique, ça aurait été qu'il tente de faire passer Kylo pour l'espion. Par ouais, exemple, c'est ouais. ça, le faire passer lui pour un traître, c'est pas difficile. Le mec, il était parti tout seul faire sa quête là dans les régions inconnues. Enfin, avec ces mecs chelous qui puent là. Je suis sûr qu'il y avait des caméras dans le truc de Snoke pour montrer qui avait tué Snoke mais et tout. Mais en plus, clairement, celui-là qui détonne le plus, enfin, qui rentre pas dans le moule, c'est Kylo. Qui rentre pas dans le moule du premier ordre. Kylo et sa bande de plouks là. D'ailleurs, on voit bien, ils les regardent tous super mal. Enfin, même les Stormtroopers, ils se foutent limite de leur gueule quand ils les voient se pointer. Il n'y a aucun respect de ce côté-là. Kylo tient que par la peur, en gros. Oui, non, c'est logique. Ça aurait été bien plus logique de faire voilà, en sorte qu'il essaye de destituer comme ça Kylo en le faisant passer pour un espion ou pour quelqu'un qui a trahi le premier ordre plutôt que de trahir lui-même le premier ordre. Hux n'aurait jamais dû trahir le premier ordre. Il skype avec la meuf de la résistance. C'était déjà un peu un truc qu'on avait vu dans les films précédents, pas dans la postlogie, mais c'est vrai, un peu le conflit entre justement ben, les utilisateurs de la Force qui sont un peu c'est peut-être, je sais pas, c'est une sorte d'ordre religieux un peu bizarre qu'ils ne savent pas comprendre, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et ouais, non, en fait, c'est intéressant. Toujours est-il qu'il prend une flèche dans le genou. que les autres ils se cassent. Il y a la scène dans le hangar où les deux ils causent. C'est vrai qu'il lui dit qu'elle est une Palpatine. Il lui dit tu n'as pas du pouvoir, tu as son pouvoir. Oh putain, c'est merde. Et ça, c'est un autre moment Reddit évidemment, parce que ça explique pourquoi Rey elle sait faire des choses. Ouais. J'ai quand même une question. Ça, c'est plus nice. Vous savez peut-être déjà, parce que vous avez sûrement lu plus de trucs que moi, est-ce que ça, c'était un truc qui était prévu depuis qu'ils ont lancé la postlogie ? Non, parce que justement, il y a une interview de Daisy qui est sortie la semaine dernière où elle disait que jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas qui étaient ses parents et qui elle était. Et les reshoots Adam Driver qui l'a refait un mois avant la sortie du film, dans un placard, littéralement, hein. C'est lui qui l'a dit. Bah, c'est cette scène-là. C'était pour dire « You're a Palpatine, you have his power, whatever ». Donc, ils ont décidé ça 2 mois avant. Mais du coup, Ximnut, tu sais pas qu'elle aurait pu être une Kenobi ? Bah non. Eh ben voilà, ils ont considéré l'idée aussi. À l'époque du 7, ils considéraient l'idée, je crois. Ouais. À l'époque du 7, ils savaient pas. À l'époque du 8, ils savaient qu'elle était personne. Et à l'époque du 9, ils savaient pas. Et du coup, ils ont choisi de pas rester sur le truc qu'ils avaient. Pendant le 9, ils venaient la voir et ils lui disaient « Oh, t'es une Palpatine !» Et puis après, une semaine plus tard, ils venaient « Oh, finalement, on n'est pas sûr, donc non. » C'est n'importe quoi. Non, mais même l'idée de Kenobi, elle n'a aucun putain de sens. Ils ont regardé sur Clone Wars ou pas ? Est-ce qu'ils ont vu que le seul amour de Kenobi est mort ? Genre... Et non, ils n'ont pas regardé les séries, sinon il n'y aurait pas autant de choses. Ils n'ont pas regardé leur propre film. Bon baiser quand même, ça me triste un petit peu. Non, mais oui. Non, mais de voir à quel point ils avaient besoin de relier un personnage féminin à d'autres personnages avec des couillasses, quoi. Putain. Mais oui, oui. Mais donc, les acteurs ne savaient pas, mais genre, même les gens du story group, ou je ne sais pas moi qui écrit ces trucs-là. Les story group, c'est barré parce que les autres foutaient de la merde. Ouais, le story group, quand il y a un film qui est fait, le story group, ils peuvent donner un avis de consultant, mais en gros, après, c'est bon, bah tenez, on a décidé ça, le film est comme ça, démerdez-vous. C'est ça, les pauvres. Okay. Ils n'ont pas de pouvoir de décision face aux scénaristes et aux réalisateurs d'un film. C'est-à-dire que excuse-moi. Quand le cast a regardé le film à l'avant-première, personne ne savait qui était Rey et ce qui se passait dedans. Et quand il y a une interview où ils sont avec JJ, il y a tout le cast et la personne qui leur interroge fait « Quelle a été votre réaction à la fin du film, quand vous avez vu le film à la fin ?» Et ils font tous la gueule. C'est genre, il y en a, ils sont genre clairement embarrassés. Il y en a, ils font une gueule de 6 pieds de long en mode « Putain, faut pas que je dise que c'est de la merde, il y a le réalisateur qui est en train de me regarder. » Daisy, elle est en mode « Ouf, c'est vraiment ouf. » Et de mémoire, après, je crois que c'était les avant-premières, il y avait des gens du story group qui étaient vénères à la sortie. Alors, on ne sait pas si c'était des gens du story group, mais ouais, il y avait des journalistes qui étaient des gens de la prod, dit je sais pas, il y avait quand même des gens qu'il y avait des gens de Lucasfilm qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec les choix du film. Le jour même de l'avant-première, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Genre, pourtant, il y en a des merdes hein, qui sont sortis comme blockbuster, mais. c'est la première fois que j'entends parler de ce genre de truc-là. C'est... Et comme l'a dit Tuki, la chef du story group, elle s'est barrée pendant la production et elle a rejoint la société de production de Rian Johnson. Donc non, le story group, ils ont rien fait. Ils ont rien pu faire, de toute façon, dès qu'ils disaient quelque chose, on s'en foutait de leur avis. Et, c'est ça, et ouais. De ce que j'ai compris, parce qu'il y avait eu plusieurs interviews comme ça, en gros, dès que JJ voulait quelque chose et que les gens lui disaient non, ça le fera pas, et ben, il allait voir Bob Iger et il disait « ils veulent pas me laisser faire mon film ». Et du coup, Bob Iger, il faisait « vous faites ce qu'il dit ». Et voilà, c'est pour ça qu'on est avec cette grosse bouche. Et JJ après, il faisait « ouais, mais c'est pas toi qui décides ». Mais tiens, Saito, il a tout à fait raison, et j'avais dit ça une fois en privé, c'est que on aurait dû se douter que ça allait puer, parce que les mecs, ils étaient restés après le story group sur Twitter, ils étaient restés après après TFA, ils étaient restés après Rogue One, ils étaient restés après TLJ et Solo. Et il y en a plein qui ont des hacks après. En 2019, au fur et à mesure que le film il était en train de se terminer, les mecs, ils ont commencé à se barrer, à se mettre en privé. De Twitter, on parle. De Twitter, ouais, ouais. Et sans compter, voilà, ceux qui sont carrément partis de leur boulot. Donc, en fait, on aurait dû savoir que ça pue à la merde. Tout ça pour dire ce moment-là, hein, cette magnifique scène où c'est la dernière fois que vous verrez son casque et après il l'aura plus et vous savez, on saura jamais pourquoi il l'avait et pourquoi il l'a plus. Et puis bon voilà, du coup Rey s'enfuit dans une lumière bleue, bleue comme les couilles de Kylo. C'est déjà bleu comme Exegol, mais. Ça se trouve, Exegol c'est la manifestation des couilles des Skywalker. C'est ça, c'est une représentation. Tu remarques qu'après qu'ils se soient embrassés, eh ben, la planète, elle est plus bleue. Hein. Les nuages, ils sont partis et c'est ça commence à devenir orangé. Donc, c'est ça. C'était les couilles bleues des Skywalker. Ouais, d'ailleurs, il filme super mal sa main quand il lui tend, c'est dégueulasse. Attends, sa main, elle est... Mais après c'est pas pire que après quand il récupère le ah ouais, le truc et on dirait qu'il l'attrape avec son pied. Kim Kylo Ren. À chaque fois que je vois le film, je fais pourquoi je bug moi aussi. Je bug pendant 3 secondes. Avec son pied, c'est zéro. Et après c'est ouais, il peut plier son pied et en fait non, c'est sa main. Vous parlez, bah, quand Rey elle a la vision là, de Dark Rey et puis elle tombe et puis elle fait rouler le Wayfinder sur le sol et t'as l'autre qui attrape. Et on dirait qu'il l'attrape avec son pied. Ah mais il l'a pas bloqué avec son pied ? Non, non, c'est sa main. Avec sa main. Mais je croyais qu'il l'avait bloqué avec le pied le machin. Non, il le bloque avec sa main, c'est censé être sa main. Tu peux pas mettre le screen Grushka à l'écran. Non, je l'ai pas celui-là. On dirait qu'il l'attrape entre ses le orteils. Pied, après, il ramasse hors champ. Non, c'est sa main depuis le début. Non, non, c'est incroyable, c'est sa main. Putain, mais c'est mal foutu à ce point. Mais oui. Attendez, je vais trouver un screen sur Internet parce qu'il faut qu'on le montre. Ouais, vas-y, envoie-moi le lien que je fasse. Ouais, ouais, attends. Et du coup, pendant ce temps, et ça va faire 3 heures qu'on enregistre bientôt. Ce qui est bien, c'est que grâce à la coupure internet, ça fait. Ça fait en deux parties. En deux parties. Allez, bien fait de mettre le master. Et du coup, je sais même plus ce qui se passe. Comment ils. Ah oui. Comment ils savent... ont récupéré les informations pour aller sur Endor, enfin, la lune d'Endor. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. Qui s'appelle Kefbir, hein, pas Endor. Mais, Ouais, on aurait pu à ça. D'ailleurs, juste un truc. Quand ils arrivent sur Endor, enfin sur la planète là, donc tout en haut, il y a un plan qui est le plan le plus moche. C'est un truc qu'il a dit aussi. Tous les films Star Wars réunis. Et à chaque fois que je vois le film, je suis là en mode, mais la deuxième fois et la troisième fois que j'ai vu ce plan. On dirait un téléfilm. J'ai rigolé en me disant, mais pourquoi ils ont fait ça, ces blaireaux ? On dirait un téléfilm. De quoi ? On dirait un vieux téléfilm. Tu sais, qui passe sur France. Mais oui, c'est absolument ça. Donc en fait, il y a un plan en contre-plongée où en fait, on est tout en bas d'une colline et tout en haut, donc il y a des personnages qui arrivent avec donc, le faucon qui est garé derrière. Et en fait, ils descendent de la colline et il y a un zoom, juste un zoom, dégueulasse qui dure vraiment 2-3 secondes et qui est mais ignoble et qui me fait mourir de rire à chaque fois. Mais oui, moi j'ai dit à Grushkov, on est dans Derrick, ça y est. J'allais dire genre Dolmen, le téléfilm. Mais ça, ouais, ça absolument ça. Déjà, ça ressemble à la Bretagne, alors. T'as les mêmes vagues d'ailleurs qu'en Bretagne. Je vais peut-être partir pisser, j'en ai peut-être plein le cul. Je sais pas. Bref, ouais, moi, le plan dégueulasse que je trouve, c'est le plan avec l'entraînement de Leia, le flashback avec Leia et Luke là. Ah, je trouve qu'ils sont mieux faits que Tarkin et Leia dans Rogue One. Ah non, moi je les trouve plus. Mais ça je plus trouve crâne. La scène filmée avec le cul, tu comprends pratiquement rien de ce qui se passe à l'écran. Ouais, puis bon, crâne, encore ouais. Une fois, c'est un truc à la Reddit, quoi. Oui, et c'est oui. Un truc qui défait le canon, hein, mais c'est pas grave. Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus loin parce que là, ils arrivent au truc et puis il y a Rey qui se barre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de la dague qui prend la forme de truc qui peut s'éroder? Il me que j'avais vu passer, alors j'ai jamais vu ce film, mais c'est pas tiré des Goonies ou à un si, moment si, donné. Si, c'est tiré des Goonies. C'est ça. Mais c'était. Mais les Goonies, c'est un bon film en vrai, mais ça, c'en est pas un. Du coup, moi, je demandais ça et je redemande ici. Je veux entendre vos théories. Donc l'étoile de la mort s'est écroulée il y a genre 30 ans, elle s'est écrasée sur la planète il y a genre 30 ans, et il y a une dague Sith qui a été créée pour indiquer où était le truc dans l'étoile de la mort. Du coup, qui est le Sith qui est venu là, qui a regardé l'épave, qui s'est fait « je vais faire une petite quête au trésor », qui a taillé une dague, qui a écrit ses petits trucs Sith dedans pour faire la forme de l'étoile de la mort en se disant ouais, « de toute façon ça bougera pas en 30 ans ». Qui est le site qui a fait ça? Mais non, mais c'est totalement Palpatine, il se fait chier depuis le temps, là. En fait, c'est son anniversaire, il a organisé une chasse au trésor, tu sais, il attend que les gens viennent depuis 30 ans. Et un petit truc commémoratif. Un truc qui est rigolo aussi, c'est ok, tu fais le truc depuis l'extérieur, et ça t'indique grosso modo le truc. Mais le truc, c'est que quand tu y vas, dedans, le truc est gigantesque. Ça a le de la truc, profondeur, c'est une taille, enfin, c'est une taille exceptionnelle. C'est gigantesque, l'étoile de la mort. Donc, le truc, il te dit, ouais, c'est par là, grosso modo. Et du coup, ben, t'y vas. Et une fois que t'es à l'intérieur, comment tu sais? Ah oui. Parce que t'es à l'intérieur, t'as plus la référence. Bah, t'es censé le sentir avec la force. Non, et puis ce qui est. Je t'ai mis le screen du pied-main sur le Discord. il se trouve pile au bon endroit pour que la dague s'aligne parfaitement. Oui! Ok, mais c'est pas un dessin en 2D, l'étoile de la mort, c'est un truc gigantesque qui était plus gros qu'une ville, et il y a de la profondeur, du coup. Il serait arrivé par l'est ou l'ouest, enfin, un autre côté, ils étaient niqués. Oui, c'est vrai. Imagine le Wayfinder, il aurait été dans l'eau. Il aurait fait comment pour sa dague? La machine, elle rouille, t'as un bout qui s'effondre, enfin, c'est niqué. Ça n'a aucun sens, aussi. C'est débile, ce truc-là, et c'est vraiment... D'ailleurs, vraiment, ils se mettent vraiment à l'endroit où il faut parfaitement et trop de chance, quoi. Quand ils appuient la dague. Mais c'est la force, comme le dit Finn, c'est la force qui les guide là depuis le début. Non, mais niquez-vous avec la force à un moment donné. Non, mais c'est... Non, mais voilà, c'est juste que sa passion, c'est les escape games, et puis voilà. Si encore c'était pour montrer un endroit un peu spécial un endroit un peu particulier qui est pas facile à trouver, mais finalement il est où? Il est dans la salle du trône. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'un truc pour faire de la trigonométrie pour te dire ok, c'est dans la salle du trône. Marqué, tu laisses une note et marqué c'est dans la salle du trône et puis c'est vrai. Mais attends, ta manche, elle on dirait un talon. Attends, je t'envoie la suite des plans. Mais c'est super mal. En fait, c'est tellement mal éclairé. C'est mal filmé, c'est dégueulasse. Dan Mindell, il est nul à chier comme directeur de photographie. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette histoire de petite salle secrète sur l'étoile noire, c'est qu'à un moment donné, Palpatine, il s'est pointé, il a été voir son architecte et il a dit alors, j'aimerais bien avoir un palais des glaces secret dans la salle du trône, caché sous mon derrière trône, une porte. Caché sous mon trône. Sous le trône, et dedans il y aurait des miroirs et un petit support pour mettre un truc que je peux pas te dire ce que c'est. Je veux dire, après il était en train de créer une station pour tout détruire, donc bon. Ils ont l'habitude. Oui, tu non, sais. Mais les mecs, je pense qu'ils ont l'habitude des. Voilà, on peut leur demander un peu ce qu'on veut. Enfin, au pire, ils les butent après, j'imagine, mais. Enfin, le petit délire du mec de... Non, je vais me faire une salle secrète pour cacher un objet qu'on pourra... qui est hyper précieux, qu'il faudrait sans doute pas qu'il tombe en de mauvaises mains, et je vais le cacher ici. Mais en plus, la salle secrète, genre, d'où Ray, elle voit Dark Ray comme ça, qui est... Non, mais... Mais moi dans l'idée, j'avais dans l'idée que les, éventuellement les ruines de l'étoile de la mort, ce soit un nouveau lieu, si tu veux, du côté obscur, parce que Sidious, il serait mort, il entrait les lieux, ça en ferait un endroit un petit peu comme l'arbre sur Dagobah et tout. Pour moi, ça aurait fait sens, tu vois. Mais c'est même pas ça, c'est même pas le cas, donc oui, c'est complètement... Non, c'était sa petite... Tu sais, il invitait de temps en temps, vu que c'est un baiser maintenant, on le sait... Palpatine, il invitait des femmes de temps en temps, il disait je vais te montrer ma collection secrète. Ah putain, c'est un petit peu spécial. Gros, et c'est derrière cette porte. Mon cerveau il bloque, j'arrive pas à voir une main, je suis désolé. Bah tiens, j'ai mis les autres screens. Je vois, mais on dirait que le pied se soulève avec l'objet en dessous collé. Oui, c'est vraiment ignoble. C'est dégueulasse. Bon, tant pis. Il prend les pieds, les mains, il n'y a pas de différence. Il est préhensile. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, ouais, du coup, ils font comme la scène dans l'Empire contre-attaque, quand Luke, il se bat contre Dark Vador dans la vision, mais le truc, c'est que Rey l'avait déjà eu, sa scène de la cave, dans l'épisode 8. L'épisode 8 bah oui, mais elle ne plaisait pas aux fans, il fallait la refaire. Ouais, du coup, il fallait qu'on la refasse avec une réplique de merde qui est... Don't be afraid of who you are. C'était... Et le pire, c'est que son combat, il se termine même pas. Dans lui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris, les mecs. Non, mais surtout, son combat, il n'est même pas terminé. Genre, ça se trouve, Dark Ray, elle attend depuis 3 jours, là, dans la pièce d'à côté, en se disant, bon, quand est-ce qu'elle revient, quand même, là, c'est long. Je pense qu'il a juste trouvé le concept super cool d'avoir Dark Ray avec un double sabre et les dents pointues. Oui, mais moi je suis absolument sûr que c'est ça. Dans mon son je suis sûr que c'est ça. Mais je pense que même, moi je pense que genre, il devait avoir une sorte de cahier des charges et en fin de compte, dedans c'était genre marqué ouais, mettre un autre personnage avec un sabre laser rouge. Et donc, du coup, il a mis ça quoi. On précise, c'est pas un cahier des charges, c'est un cahier des charges qui pétait toute sa merde. Ouais, et du coup elle tombe et puis il y a Kylo qui est là et tu... alors il fait un petit saut trop mignon. Expliquez-moi. Tout à l'heure j'ai déjà posé la question, au final on a trouvé qu'il y avait une réponse, mais comment il sait qu'ils sont là? Comment il sait qu'elle est dans la salle du trône de Palpatine? Comment il est arrivé là sans avoir aucune information? Bah lui, il utilise la force, il est pas con. Non. Il a pas besoin de... Il a 100, non? Mais il l'a 100. Non, comment il sait sur quel... Si c'était si facile, il avait pas besoin de la chercher avant. Bah écoute, il a mis une moustache, il est descendu, il s'est posé, il a été demandé à Finn, et Finn, il a dit, ah, elle est là-bas. Mais comment il savait sur quelle planète ils étaient? Est-ce que ça peut pas être... Je sais pas, tu fais chier, ils ont foutu un mouchard. Mais non, parce que c'est pas avec son pouvoir de projection, parce que il est venu avec son vaisseau, vu que Rey le prend après. Réellement, c'est une vraie question, j'essaie pas de vous emmerder ou quoi que ce soit. Quand ils se sont barrés avec le Faucon Millenium et qu'il se fait souffler la tronche, peut-être qu'il a sauté dans son vaisseau et il les a suivis. Mais comment il a pu les suivre en hyperespace? Un truc. Ouais, non, c'est pratique maintenant. Pas la première fois. Depuis Rogue One. Bah non, parce que il fallait un Star Destroyer pour faire ça. Ça se faisait pas. Au début du 9, les TIE poursuivent justement le Faucon dans l'hyperespace. C'est vrai. Il arrive à les traquer, mais. Oh, c'est vrai. Peut-être, oui, mais en fait, ça à aucun moment c'est montré. C'est ça le truc. C'est qu'on se souvient même pas de ce qui s'est passé. C'est pas un problème, mais c'est vrai que le film est tellement rempli de trucs, il faut toujours recoller les bouts soi-même, ça devient chiant quoi. Ouais. Bah, ça peut être intéressant quand c'est 4-5 personnes à l'avoir vu, c'est bien fait. Mais en fait, quand c'est bien fait, c'est genre du. Genre, c'est vraiment le but des fans, parce que font les fans en fait, restituer les histoires et tout ça. Sauf que ça doit être un minimum ludique, là c'est juste prise de tête quoi. Ouais. T'as acheté bien un film. Si je voulais m'amuser à recoller des morceaux, je casserais une assiette quoi. Enfin... Je sais pas où ou un casque. Ou un set Lego, hein? Ils sont où les faux constructions? Mais ça revient quand j'aurai un PC un peu plus décent bientôt normalement. C'est toi qui dis il a voyagé à travers un plot hole. Oui. C'est pas la première fois qu'il le fera d'ailleurs, hein. Il le refait après. Oui, justement, il leur fait après avec le tag de l'étoile noire. Mais là, en l'occurrence, on parle de comment il vient sur la... Comment il retrouve que Rey est sur la lune d'Endor. Ouais, et après, comment il sait où elle est exactement, et le tout sans être vu à aucun moment. Alors, j'ai une théorie. Palpatine, plusieurs fois dans le film, il dit qu'il entend tout partout, etc. Et il sait. Il y a des moments où il dit ce que sont en train de faire les autres, alors que techniquement, il n'a aucun moyen de le savoir. Du coup, ça se trouve, Palpatine, il la fliquait, hein, parce que c'est sa petite fille, tu vois, c'est tendre. Et puis, du coup, il a envoyé un SMS à Kylo en mode « Couillon, elle est sur telle planète, bouge ton cul. » Voilà, c'est mon explication. Concrètement, ce genre de plot hole, il y en a tellement dans le film que c'est pas celui qui me choque le plus. Quoi. Et il me fatigue, ce film, en vrai. C'est... Oui, il est fatigant. Ah oui, non, mais c'est fatigant. Donc c'est ensuite, on n'a pas parlé du dialogue entre Jaina, et Finn, qui, lors du premier visionnage, je trouvais être trop beau, il m'a fait pleurer. En fin de compte, maintenant, il est un peu aux F, je trouve. Bah, comme dit, c'est pas le problème, c'est pas qu'il est aux F, c'est qu'il vient justement péter le personnage de Finn. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Ouais, alors ouais, c'est tout le discours de Finn, hein. Depuis le début, c'est la force qui me fait faire ça, et c'est ouais, ça c'est... qui nous a conduit. C'est vraiment tout pourri. Genre, ça lui enlève tout son libre arbitre, et le fait que c'était un personnage voilà, qui prenait ses décisions. Alors, le pire, c'est qu'en plus, c'est un personnage qui s'est fait laver le cerveau, qui n'est plus maître de son... De ses intentions, enfin, de ses décisions, en tout cas, qui finissait par les prendre, et là, encore une fois, on lui enlève. On dirait que le mec, il cherche le moindre moyen de se faire, tu sais, laver le cerveau, genre, oh là là, je crois dur comme fer au premier ordre, puis après il se rend compte que c'est de la merde, et puis là, du coup, il fallait un truc à se raccrocher, du coup, ah ouais, la force partout. Alors, il a peut-être un intérêt, mais là, pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, que j'ai vu d'autres gens en parler, c'est qu'un truc qui se voit finalement assez peu, notamment dans les films de genre, les films de SF, c'est les personnages racisés qui se parlent entre eux. C'est toujours avec un personnage blanc. Et là, que c'est vrai que Star Wars n'échappe pas à la règle, donc ça peut éventuellement être un truc intéressant. Alors c'est vrai que ça ne juge pas la qualité du dialogue, c'est juste le fait qu'il y ait pas besoin de passer par un personnage blanc pour faire avancer l'histoire. Après, j'ai envie de dire, c'était quoi tout ce qui se passait sur Canto Bight et tout c'est trois personnages de couleur, il n'y a pas de blanc hein, dans la side quest de... Ouais. Mais c'est vrai que c'est cool, et en plus, cette fois-ci, c'est deux personnages noirs. Je sais que pour eux, c'était important, donc ça, c'est cool, c'est juste, c'est terrible que ce soit pour dire ce genre de choses. Pour ce dialogue-là, c'est pour ce genre de choses, c'est ça. Pour faire aussi mal aux personnages. Quelque part, je me gourre peut-être, mais est-ce que c'est pas, enfin, genre, assimiler la force, forcément, au concept, enfin, la religion monothéiste, enfin... c'est Dieu qui t'a mis sur le bon chemin de faire le bien, machin, en combattant les méchants. Enfin, il n'y a pas un côté un petit peu comme ça, vachement. Ouais, un petit peu, c'est vrai. C'était vraiment. Genre, il a trouvé la foi, en fait. Ils ont trouvé la foi, donc du coup, ils ont quitté le premier ordre. C'est peut-être pour ça que John Boyega, lui, il aime bien ça, parce que c'est vrai que John Boyega, c'est un fils de pasteur et tout. Il est super religieux. Donc peut-être que c'est pour ça que lui, il voit ça et ça lui plaît plus que ce qu'il y avait dans l'épisode 8. Mais. En termes de personnage, je trouve ça terrible d'avoir tout ce truc d'émancipation dans l'épisode 8. Genre, il finit vraiment, il devient vraiment qui il devait être. Il devient vraiment ce leader, ce personnage super courageux. Et en fait, après, ils disent bah non, en fait, c'est juste la force qui t'a fait faire ça. Et je trouve ça. Mais du coup, ça en fait une intervention divine de la force. Ouais, du coup. Et toutes les intuitions. Les sensations qu'il a après, ce sont des interventions divines également. Après, oui, la force, ça peut marcher comme ça. Je trouve ça juste un peu... Je trouve. Dommage. Mais, ouais, pourquoi pas. En plus, après, il se fait jeter par Rey. Elle en a marre qu'il l'appelle. Alors, elle le pousse comme ça. Vas-y, qu'est-ce que... Alors, il y a le duel, du coup. Est-ce que pour vous le Wayfinder c'était un truc solide? Tu veux dire pour, est-ce moi, ça, pour moi ça avait l'air assez costaud. Ouais. Pour moi ça on dirait de la pierre le truc. Attends ouais, c'est Adam Driver. Quoi. C'est métal. Le mec il le pète ouais, avec ça. Ça fait du métal et du verre. Hein. Il est tellement badass. Ça, ouais ouais. Je voulais revenir sur Finn et Jaina d'ailleurs. L'actrice qui joue Jana, Naomi Aki, elle dit que dans le film, ils ont essayé de forcer à fond elle et John pour que Jana et Finn, ce soit un truc, tu vois, que ce soit un couple et tout. Genre, déjà, ça a dû être super dur parce qu'ils sont presque jamais à l'écran. Donc, Jana, elle arrive à la fin, on la voit presque jamais. Et puis en plus, les rares scènes où ils sont ensemble, Finn, il hurlerait. Donc c'est... Non, j'imagine ça vraiment dans le... comme c'est une histoire de la vraie la réalité, donc j'imagine le personnage de Jana trop vénère. Putain, mais mec, pourquoi tu cours après la meuf blanche là? Tu vois bien qu'elle veut pas de toi. Ouais, mais du coup, c'était littéralement tout son arc avec Rose de l'épisode 8. Oui, oui, parce qu'il se barrait pour suivre Ray, et Rose, elle lui disait, mais il n'y a pas que Ray dans la vie, et du coup, il est retourné en arrière, et il recommence. Et du coup, cette fois-ci, c'est Jana qui lui dit, mais cette fois-ci, ça va. Cette fois-ci, il ne l'écoute pas. C'est Ray qui le repousse, et c'est là où il est obligé de s'arrêter, parce qu'il ne peut pas traverser la mer en sautant, lui. Sinon, il aurait continué. Qu'est-ce qu'elle raconte, Fulélie? Quoi? Finn, en fait, c'est une chauve-souris. Il crierait pour s'écolocaliser. Oui, mais admettons. Écoute, c'est une justification. Est-ce que tu peux pas nous faire un ré avec plein d'écho derrière, Funeli? Ré. Et alors, le duel, le tout dernier duel de sabre laser de la saga, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Ça me fait bien penser à l'épisode 3. C'est pas de la lave, mais c'est liquide comme ça, ça les entoure comme ça. M'a fait un peu penser à ça, mais après. Bah, tu rajoutes un petit côté t-shirt mouillé par-dessus. Ouais, tu remplaces la sueur par de l'eau de mer. Moi, je me disais qu'ils devaient puer leur race, quand même. Bah oui, mais ils puent tout le temps. Ouais, c'est la première douche qu'elle a prise depuis longtemps, elle doit être trop cool. Ah ouais, mais une douche d'eau de mer, en plus. Ça sent le code. Mais elle va sentir la moule après, derrière, ça va pas le faire. Fin... Ouais, il était... Moi, j'aimais bien parce que Kylo était super chill, badass. Mais je trouvais que la musique était un peu lourde. Un moment, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est très présente, de façon générale. Et puis à un moment, il lui donne des coups de sabre, et à chaque coup de sabre, t'as la musique qui appuie le truc. Je trouvais ça un tout petit peu forcé, mais bon, Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout en retenue, comme on disait avant, c'est pas lui qui attaque, il part, il essaie de la désarmer éventuellement, mais il est tout en retenue, c'est cool, et puis elle est un peu plus vénère. Ça marche pas si mal, en fait. Bah ouais, je trouve que c'est le seul moment où ils sont vraiment dans le personnage. Pour de vrai. Et je l'avais dit, hein, le film, il fait plein de trucs que je voulais qu'il arrive. Et ça, c'est exactement ce dont je parle. Parce que déjà, le combat commence, il attaque même pas, il esquive. Il esquive, genre, mais sans parer, tu vois, c'est genre juste Matrix. Oui, il a même pas dégainé encore à ce moment-là. Ouais, et à la fin, il gagne. Et j'avais dit, pour que la trilogie elle soit un peu cohérente, il fallait qu'ils perdent dans le premier, qu'ils soient égaux dans le deuxième, et que dans le troisième, ils gagnent, et ils décident de pas la tuer. Alors pourquoi, quand il gagne, il essaye de tuer Rey? Pourquoi il faut que Leia intervienne pour qu'il tue pas Rey, alors que ça n'a... C'est complètement... aucun sens pour son personnage. Ouais, c'est hors personnage. Le mec, je vous rappelle hein, quand même qu'à la fin du film, il donne sa vie pour elle. C'est à ce point-là que le mec, il est fou de cette meuf-là. Et en plus, là, encore à ce moment-là, son objectif, c'est de la rallier à lui pour buter Palpatine. Ouais. Enfin, comprends pas. Ça devait être le moment... Oui, comprenait pourquoi tout ce qu'il faisait c'était n'importe quoi avant. C'était censé être le moment où il se rendait compte que depuis le début il faisait l'inverse de ce qu'il devrait faire. c'était... il devait s'en rendre compte, il devait battre Rey et se rendre compte qu'il avait aucune envie de la tuer, et après se rendre compte qu'en fait, il avait aucune envie d'être le chef du premier rang, et en fait, se rendre compte depuis le début que tout ce qu'il voulait, c'était... La pécho. Non, mais même pas, c'était genre... que quelqu'un l'aime et que sa famille se rende compte qu'il n'était pas un monstre. Moi, je suis d'accord. Et tous ces trucs-là. Et c'est vraiment bizarre que... C'est vraiment juste pour buter Leia. Oui, exactement. Saito le disait, je suis totalement d'accord. Et je sais que j'essaye de rigoler, machin, truc et tout, mais ça n'a pas de sens. Et vous n'aviez... En fait, le truc, c'est parce qu'ils se sont dit « Ouais, il faut qu'elle meure, mais pourquoi ?» Est-ce qu'il fallait vraiment qu'elle meure ? Non, mais c'est juste des connards sans imagination. Est-ce que... T'as vu comment ils ont intégré ces scènes ? Est-ce que ça aurait pas été vachement mieux s'il avait... Si ça s'était passé pareil, il décide de ne pas la tuer, et elle le plante et machin truc, tout pareil, sauf qu'il n'y a pas Leia qui meurt. Et du coup, Rey, elle se barre avec son vaisseau à lui pour aller buter Palpatine, parce que maintenant, elle a le Wayfinder de mes deux. Et il se fait récupérer, lui, par le faucon. Et il leur explique ce qui s'est passé à Finn et Poe et tout. Et là, il commence sa vraie rédemption. Et en plus de ça, il voit sa mère en vrai. Il n'y a pas besoin de 10 000 trucs. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux ? Sauvage au faucon, est-ce qu'ils auraient vraiment, lui auraient vraiment fait confiance ? Je sais pas, est-ce que Finn l'aurait pas senti dans la Force que finalement c'était plus Kylo Ren ? Bah ouais, hein, ils étaient plus à ça près en vrai. Et... Oui, oui. Parce que du coup, avec ça, il y avait des gens qui l'ont remarqué sur Twitter, c'est comme c'est montré et fait, c'est Rey qui tue Leia. Ouais, parce que Leia Rey... meurt au moment où Rey plante Kylo. Elle meurt pas juste avant et ça déstabilise. Non. Elle meurt pile poil au moment où Rey donne le coup fatal à Kylo. Mais je croyais que c'était sa mort qui déstabilise Kylo et qui fait que elle peut le tuer. Non, elle apparaît à Kylo. Elle apparaît à Kylo. Voit. C'est ça qui le déstabilise et Rey en profite pour le planter. Et c'est là où elle le plante et juste après on te montre le plan de Leia avec sa main qui tombe pour montrer que boum, elle est morte. En fait, tu sais, quand Leia, elle est dans le coma dans le 8 et Luke, il se connecte à elle. Ben, c'est ça qu'elle était en train de faire. Ok, ok. Avec son fils. Mais il y avait... En vrai, c'est ça le truc, c'est qu'ils font des trucs comme ça, mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin ? Non, mais ils ont juste pas d'imagination. Enfin, c'est comme tout le reste, c'est feignant et c'est vide et ça... C'est juste... Ouais. Je veux dire... Alors, en plus, après, il y a tout le truc de quand elle le plante. Elle le plante, elle fait « Oh non, zut, j'ai fait une connerie !» Et elle le soigne. elle le soigne de toutes ses blessures, même celles qu'elle lui avait faites au visage. Ça, c'est bien, et, ça. Oui, mais alors pourquoi il le tue après s'ils l'ont tué, ils l'ont tué et ça, fait ça, renaître symboliquement. Pas. La rédemption de Kylo Ren commence à ce moment-là. La mort de Kylo, enfin, la mort de Kylo Ren est maintenant. La rédemption de Ben Solo commence. Et il n'aurait pas dû mourir après. Je suis tout à fait d'accord avec ça, clairement. Ils ont tout, là, à ce moment-là, ils ont globalement bien fait, tout bien fait. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas pour le soin de force et tout. Moi, je n'avais rien contre. Le film, il était vraiment tout pourri, mais à tout ce moment-là, à part la mort de Leia, il a beaucoup de sens au niveau de la rédemption. Il marche bien, parce qu'en plus, on en vient à la scène avec Harrison Ford, qui est globalement super, même si elle n'est pas subtile, elle est super. Ouais. C'est le meilleur passage du film. S'il y a un truc à sauver du film, c'est bien avant Babu Frick, c'est ça. Ouais, c'est... Tu sais, t'es là genre, oh ouais, ok, c'est bien fait. Et jusqu'au bout, le film, il est nul, mais toute sa rédemption, tout le truc, tous les passages avec lui à partir de ce moment-là, c'est super bien foutu. Et en plus, ça fait une boucle, parce qu'à la fin, il arrive et il sauve la vie, enfin, il ramène à la vie la personne qu'il aime quoi. Grâce au... grâce à son amour, alors que Anakin, il était dans l'épisode 3, il disait à Padmé, mais c'est pas mon amour qui va te sauver, il y a que mes nouveaux pouvoirs qui peuvent le faire. Et c'est vraiment, pour le coup, le film, il chie sur toute la saga. Mais tout ça, c'était super bien fait, ça faisait une boucle avec la prélogie, tout ça. Et après, non. Et après, il meurt alors qu'il a eu tout ça, et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre comme truc. Bref, on avait dit qu'on parlait pas de ce que ça aurait pu être, mais qu'on rigolait avec nos théories de ce que c'est. Non, mais bah, pour parler de ce que c'est, en l'occurrence, on a moi j'ai l'impression que ce passage du film, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Mais c'est sûrement Kylo qui l'a écrit. C'est le plus grand fan de Reylo qui ait jamais existé. Donc, non, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec qui a écrit un bout sur un truc et qui est venu glisser le papier dans le script. Hop, c'est dit hop. Et qui fait bon, on va le faire quand même. C'est de con. Parce que ça, c'est bien fait. Ça, je peux pas l'en empêcher, enfin l'en retirer. Quoi. C'est la renaissance de Ben et. Et la mort de Kylo, enfin, mort de Kylo, c'est plus problème. Enfin, oui, il y a le problème avec Leia, mais la renaissance de Ben, le pardon de Ben, avec son père. Ouais, le mec. Alors, j'ai vu plein de gens aussi. Alors, ça, c'est un truc aussi. Tu dis que c'est pas subtil, mais c'est trop subtil pour pas mal de monde. Plein de gens qui sont en colère, putain, qui disent mais il s'est pardonné tout seul. Non, la scène avec Anne, c'est pas qu'il s'est pardonné tout seul. C'est qu'en fait, il se souvient que quand il a tué son père l'avait déjà pardonné, en fait. C'est ça. Il se rend compte. Le truc du « dad, I know », c'est lui qui s'avoue enfin à lui-même qu'il aimait son père et qu'il savait que peu importe ce qu'il avait fait, son père l'aimerait toujours. Mais c'est ça. Et en plus, pour le coup, c'est même pas une vieillerie mal à JJ toute pourrie comme d'habitude. C'est... Justement, c'est le souvenir de ce que son père lui a dit à ce moment-là. Avant même qu'il le plante, son père l'avait pardonné qu'il allait le planter. Il savait que ça se passerait mal. Et il lui pardonnait déjà. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est vraiment... Comment une scène aussi bien foutue s'est retrouvée là-dedans? Quand je dis que c'est pas subtil, c'est qu'on a littéralement Han Solo qui dit « Oh, bah, Kylo Ren est mort !» Et Ben Solo, non, ça va. Là, pour le coup, c'est dur de faire moins subtil. C'est clair. Mais du coup, c'est dégueulasse parce qu'on dit Ben Solo est vivant, Kylo Ren est mort, mais on trouve même Ben Solo qui. Ouais, il dit My son is alive et 20 minutes après, ouais, son mais fils. Pourquoi vous faites ça après? Même pas 20 minutes après, je crois qu'on est qu'à la moitié du film. C'est là où c'est vraiment chelou, c'est que JJ a dit que pour lui, tuer son père, c'était impardonnable de toute façon. Du coup, pourquoi il y a une scène où on te dit non, c'est bon, c'est pardonné, c'était Kylo qui l'a tué et Ben. Oui, mais comme il meurt à la fin, c'est bon, tu vois que c'était impardonnable. Trop bizarre. Plein de mimiques de Han. Pour le coup, j'ai rien de drôle à dire sur cette scène-là. Moi non plus, là, je vais pas de van à faire, c'est bien. Pour le coup, c'est bien. Mais justement, tu dis, c'est impardonnable de tuer son père, machin, mais on retombe dans le. Je crois que je l'ai déjà dit à l'époque, mais c'est vraiment le cliché du. Ce personnage a fait du mal, machin, il peut pas être pardonné, faut qu'il meure à la fin. T'as souvent un truc comme ça dans les films américains. Soit le mec, il se sacrifie pour la cause, il se rachète un peu, soit il meurt quoi qu'il arrive, même s'il s'en veut. C'est le monomythe américain dont on parlait. Hein. C'est le truc c'est leur délire autour de la peine de mort qui veulent c'était pas lâcher. Aussi le truc de sacrifier, de se sacrifier, et justement ce que Rose empêche Finn de faire, et après il lui fait un doigt d'honneur à la fin du 9 en mode je me sacrifie si je veux parce que je suis un héros. Oui, clairement, même si le personnage est pardonné, il est racheté, il fait quelque chose, il sauve la galaxie, quoi, en partie, il fait des choses extraordinaires, eh bien, il faut quand même qu'il soit puni à la fin parce qu'il a fait des choses mal avant. Même s'il est sa renaissance et tout, maintenant, il faut quand même qu'à la fin, il soit puni. C'est simplement comme ça qu'il voulait dire, Gigi, c'est impardonnable dans le sens où, quoi que tu fasses, tu mangeras quand même à la fin. Et à partir de là, vraiment, il y a la scène la plus incroyable. un petit détail d'ailleurs, juste avant, sur le moment où Leia meurt, vous savez, où il y a toute la résistance qui est là. Vous savez qui n'est pas dans cette scène-là? Sa fille. Sa fille. Lily Lourde, elle n'est pas dans cette scène-là. Je ne connais même pas, mais j'étais sûr que c'était un truc odieux comme ça. Et tout le monde est là. sauf la fille de Carrie. Ceci dit, peut-être qu'elle n'a pas voulu. Oui, ouais, mais dans ce je dis pas qu'ils l'ont viré ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire, est-ce que si sa propre fille n'a pas voulu venir à ce truc-là, ouais. Est-ce que c'était pertinent de garder la scène? Est-ce quoi que c'était ouais, pas une... ça y convenait, enfin ça y convenait pas quoi. Enfin là, le traitement il convenait pas. Ouais, je veux dire, il y a une raison pour laquelle elle était pas là, peu importe laquelle c'est, mais ça fallait peut-être en tirer des leçons. Il y a, par rapport au bah, tout trop monde qui se barre de la lune d'Andor, peu importe, tu sais, genre Finn, il voit le vaisseau qui se barre, est-ce qu'il sait que c'est Rey dedans, ou est-ce qu'il se dit, comme je pensais, merde, c'est le vaisseau de Kylo, donc Rey est morte, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'à aucun moment c'est abordé après en mode Rey est morte. Mais t'inquiète, la force. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Est-ce qu'il crierait à ce moment, je sais plus. Il la sent. Ah. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Chewbacca qui tape dans le sol. Je sais que ça plaît à pas mal de gens. Moi, je m'en fous. Ça m'avait plu. Enfin, ça m'a plu. Non, ça m'avait touché. Je crois qu'Adrien aussi. Adrien, il est plus là. Il revient après. Il est parti. Je n'ai même pas remarqué qu'il tapait. Non, moi aussi, c'est un passage qui me touche quand même. Ouais. Et je trouve qu'il s'en sort super bien en plus suite à Mo, parce qu'il arrive à transmettre des émotions quand même, mine de rien. Enfin, ouais. Moi, je le trouve assez déchirant, le pauvre Chewbacca. En plus, c'est un personnage qui globalement, il a rien demandé à tout le monde en tout le monde de la saga. Il a perdu tout le monde. La première fois que j'ai vu, il a perdu tout le monde. C'est lui qui reste à la fin. C'est ça le pire, quoi. La première fois que j'ai vu le film, j'arrêtais pas de pleurer à la fin. Et puis bon, après j'ai fait une dépression pendant 6 mois. Mais comme tout le monde. C'était vraiment, comme tu disais, les montagnes russes au niveau des émotions. Et là, quand je l'ai revu hier, j'étais totalement détachée, je me suis fait chier. À part me faire spalmer et me dire oh mon dieu, c'est dégueulasse et faire des doigts à l'écran. je me suis fait chier, j'ai rien senti. Mais pareil, sauf Chewie. Et je trouve pour le coup. Enfin, c'est triste pour Chewie. J'adore Chewie, mais moi c'était surtout Darcy qui m'avait... Dacy, à chaque fois je l'appelle Darcy, pardon. Dacy qui m'avait rendu super triste parce qu'elle joue tellement bien et en plus il la traite mal, tu vois, elle arrive, elle contient ses larmes, tu sais, tu vois vraiment elle qu'elle est en peine, comme un connard, et les autres ils vont on appelle tant, on veut parler à la générale, et puis elle se retourne, tu sais, et puis elle pleure en mode mais j'essaye de vous dire qu'elle en fait, la grosse merde. Ah ouais, non mais... Et ouais, Dacy, je la trouvais ultra émouvante. Je trouvais qu'elle jouait ultra bien. Voilà. Et en plus, c'est elle qui embrasse une femme à la fin. Bah oui, c'est notre lesbienne de Star Wars. La best. Mais c'est clair. Mais ouais, globalement, en fait, c'est le dernier qui reste à la fin. Il n'y a plus Luke, il n'y a plus Anne, il n'y a plus Yelaya. Ah ouais, il a perdu tout le monde. Il y a les droïdes. Il se retrouve avec les droïdes et puis Kira. Merde. Mais ouais, je sais pas, ça m'avait... Sur le coup, peut-être... Enfin, si au cinéma, ça a dû me toucher aussi, mais là, je sais pas, sur le coup, c'est un des seuls moments qui a encore marché. C'est du tir d'arme, mais c'est justifié, quoi. Bah, pour une fois, c'est il du tir d'arme. Il a une connexion qui paraît assez sincère, en fait, je sais pas, parce que la scène est très simple, on voit juste Chewie qui pleure, en fait. Hein. C'est con, hein, mais... elle en fait pas des tonnes, la scène, ouais. Ça passe. Moi, je trouve ça après, juste bizarre qu'ils nous mettent aussi loin de lui, en fait. Ça, ouais, ça détache un peu du truc. Pleurer, c'est juste c'est bizarre la façon dont ils ont filmé le truc. Ouais, ça, ouais, mais du coup, ouais, ça insiste pas trop dessus. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est tout le film, il est quand même vachement ça. Genre, eh, regarde, il est mort. Ah non, en fait, il est pas mort. Ah, regarde, ce tropéo, il est vachement émouvant quand même. Et là, c'était quand même un peu plus simple, je sais pas. Ouais. Bah là, tu savais que c'était vrai parce que Carrie Fisher, elle est vraiment morte. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais. Et puis, tu l'as vue pendant 3 scènes différentes sous un linceul, donc tu sais qu'elle ne va pas revenir. Oh, ça, qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est funeste. Hein. C'est pas très bon goût, on va dire. Ouais, non, j'ai vraiment pas compris. Quoi. Enfin, ça, c'est une espèce non, de veillée funèbre mais qui s'éternise. Quand elle a vu le film. Puis dans. Ouais, non, c'est. Enfin, je veux dire, c'est cheapos. Ouais, non, c'est vraiment. Ça, c'était pas nécessaire. Hommage à un... Je sais qu'ils ont que 2-3. Ils ont 3 planches et 2 boîtes de conserve ici. Ils peuvent pas. Ils vont pas te faire une cérémonie, genre à la fin de l'épisode 3, mais pour un personnage aussi important, c'est vrai que c'est dommage. Bah, tu faisais un bûcher viking, je sais pas, moi. Non, mais t'étais pas obligé de la montrer, en fait, morte tout le temps, avec. faire des plans sur son cadavre. J'adore la scène, la scène où il y a Poe et Lando qui sont en train de discuter, genre chill, et juste à côté, il y a un côté, cadavre. Trouve pas que ça sent bizarre? Ouais, non, c'est peut-être moi. J'étais avec Ray toute la journée, ça doit être ça. Ils discutent. Il Poe, il s'assoit dessus, tu sais, il fait « Vas-y, dis-moi en plus sur ton truc. » Il tapote comme ça à côté de lui pour que Lando, il s'asseye à ses côtés. Stop. D'ailleurs, vous savez, à la fin, quand Lando, il est assis à côté de Jana, bah, en fait, ils sont aussi assis sur les... Stop. Les mecs, ils ont oublié qu'elle était là. Stop. On passe à la suite. Tout à fait. Non, et puis c'est, ce qui est génial, c'est que c'est la suite, c'est le turfu, enfin ils foutent ça sous un drap, quoi, sur une planète tropicale. Bon, les moustiques, les insectes, les asticots, enfin ils auraient pu mettre une moustiquaire, vous avez pas autre chose à foutre, enfin bah c'est le moustiquaire qui est au dessus. Ouais, ah oui, c'est pour ça. Bon on avance alors. Ouais, donc il y a Rey sur Act 2 et là c'est le festival. Oh, putain, j'avais encore oublié qu'elle allait sur Act 2. Tu sais, elle jette le sabre et t'as l'autre qui va... Ça, c'est le pire truc, le lancer de sabre qui fait écho à celui-là du 8, et genre, un peu plus de respect, hein. Connard de virus. Connard de virus. T'as Rey qui est là, Rey, le regard fait, qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux, putain. Attends, Luc, ça te réussit pas le temps. Alors, c'est pas une perruque, je crois. La perruque, elle est à la toute fin dans le fantôme de force. Mais en plus, sa sœur est morte et il s'en bat les couilles. Ah ouais, mais elle a complètement passé. Oui, mais il sait qu'il va la retrouver après. Mais c'est pas, je vais me marier avec elle après, donc je suis chill. Ce film-là, il considère... C'est ça le truc, c'est qu'on a un problème de connexion avec le film. Parce que le film, en fait, pour lui, c'est pas grave qu'il soit mort parce qu'il rejoigne la force. Donc oui, Luke, il s'en fout. Et Rey, elle s'en fout que Ben soit mort. Parce qu'ils ont eu le droit de rejoindre la force. Du coup, c'est pas grave que le gars, il ait jamais pu vivre sa vie à la fin. Parce que, je veux dire, il peut être éternellement avec le mec qui a ruiné sa vie. Parce qu'il avait fait un mauvais rêve. C'est aussi un délire un peu religieux. C'est genre, quand tu deviens fantôme de force, tu vas au paradis, tu vis encore au paradis. Et c'est pas grave si tu meurs. Ouais, mais non, y a pas un peu de ça quelque part. Si, c'est ça. Mais genre, ok, mais... Il avait 30 ans et la plupart de ces années-là, il était torturé, quoi. Pendant 30 ans, il a eu la voix d'un vieux mort dans sa vie, sa tête. Et puis surtout, quand tu vois les comics et les livres autour, t'as tout un comics sur Leia qui a les robes de Padmé. Et qu'il en prend soin et qu'il les garde de côté parce qu'elle veut les donner à sa belle-fille quand son fils se mariera. C'est horrible. Ah bah c'est raté. C'est terrible. Non, elle veut les donner à ses petits-enfants. C'est encore pire. Hein. Ouais. Elle veut les donner à ses petits-enfants. Bref, voilà, tout ça pour dire... Ouais, Luc, il s'en fout que sa sœur soit morte parce que tu sais... Il sait que maintenant il va pouvoir la baiser. Oui, c'est ce que je disais. Je vais me marier avec après. Ok, les liens du sang, mais on est de la force pure, donc techniquement on n'a pas de sang. Ah ouais, t'as tout pété de merde qui n'a pas de sens là sur Actu. Elle et Léa, devine qui est pas là. Anne. Oh. On va pouvoir finir comme ça devait. Ça aussi, c'est atroce parce que Anne, il est puni, il a pas le droit, quoi. Toi, t'es au coin. Tu t'es sacrifié pour ton fils. Du paradis, il a pas le droit. Toi, tu t'es sacrifié que pour ton fils et pas pour la galaxie, alors tu vas au coin. Mais c'est ça la rédemption de Ben. Il clame, mais il retourne à la force. Donc, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Il va au paradis. C'est exactement ça. Dans leur tête, c'est comme ça. Mais bah, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Luc, il est pas mort à 12 ans et demi. Luc, il avait 60 balais quand il a rejoint la Force. Vador, il en avait 50. Obi-Wan, il en avait 100 000. Tu vois, c'est ça le truc. Ce qui fait que c'est relou. Mais je vois que Ike, il est en train de perdre la tête à cause des trucs de Ike, les gars. C'est génial parce que ils sont là genre « Ouais, t'es une Palpatine, ah bah on le savait depuis le début. » Genre « Mais comment vous le saviez ?» Ça aussi. Mais comment vous le saviez ? Ta gueule tout le long, hein, t'inquiète pas. Mais... On savait tellement depuis le début que le réalisateur, il savait même pas encore, tu vois. De toute façon, on est mort, qu'est-ce que tu veux faire ? Et le pire dans tout ça, c'est genre « Pourquoi Leia me l'a pas dit ?» Parce qu'elle a senti le bon en toi. Ah, et elle a pas senti le bon dans son fils ? Bah non, mais lui, c'était de la mauvaise graine. Non, mais putain ! Genre, c'est terrible. Ça n'a aucun sens, tout ça, pour justifier le fait de « Si, c'est bon, c'était une Palpatine depuis le début, on n'a pas choisi ça il y a deux semaines. » Tu sais, c'est trop drôle, parce que genre, il fait « Ah, c'est pas parce que t'es la fille de Palpatine que... La petite fille de Palpatine que t'es forcément méchante. » Et pendant ce temps-là, t'as le film qui fait « Si, non, mais c'est comme ça que ça marche. » D'ailleurs, Rey, dans son moment... c'est très drôle, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus. Juste les extraits du film où Rey, elle est super en colère. Elle fait « Ouais, je vais trouver Palpatine et je vais le buter. » Et qui cut sur le moment où elle le bute, genre « Oui, d'accord. » Donc, oui. Donc c'est Rey, quand elle était à son pire, qui avait raison, en fait. Le film donne raison à Palpatine. Le film donne raison à Rey. Quand elle dit n'importe quoi. Et surtout, je les trouve bien présomptueux, les deux Skywalker, là, avec leur truc du « Oh, bah, tu sais, c'est toi qui décides de comment tu es, et puis c'est, si t'as un peu de ténèbres en toi, il faut pas le cacher. » Et d'ailleurs, tu te souviens, quand on a caché à notre neveu, à mon neveu, que c'était le petit-fils de Dark Vador, c'est parti en couille, et ben on s'est dit qu'on n'allait pas répéter nos erreurs et faire exactement la même chose avec toi. Ouais, mais en fait... Smart. Luc le génie. Ouais, je sais ce qu'ils vont faire après ce film. Et, en fait, Rey, à la fin, elle tue Palpatine, et il avait dit que quand elle le tuerait, il la posséderait. Et en fait, ouais. On s'est pas rendu compte, mais il la possède. C'est pour ça qu'elle s'en bat les couilles que Ben soit mort, parce que ben, c'est littéralement lui qui l'a tué, parce que maintenant c'est plus Rey, c'est Palpatine. Et c'est pour ça que ce connard, il va enterrer les sabres sur Tatooine, parce qu'il sait que ça faisait chier les Skywalker. Et j'ai entendu Anakin se plaindre pendant des années que le sabre, ça le faisait chier. Allez, tiens, je vais mettre ton sabre laser là-bas, petit putain. Connard, ça t'apprendra à trahir. D'ailleurs, on le voit pas sur le plan, mais elle chie dans le trou aussi. Mais oui, d'ailleurs le trou il est bizarre. Et du coup, en fait, la suite de ça, ce sera les gens qui se rendent compte que c'est pas Rey, mais c'est Palpatine depuis qu'il y a eu la bataille d'Exegol. Et en fait, t'as Ben qui va être ramené du World Between Worlds pour faire revenir Rey en mode hey, vieux crado, tu peux sortir de ta petite fille, s'il te plaît, c'est un peu. Mais tu sais ce qui est marrant avec le trou, c'est que Funeli a sûrement pas tort, parce que quand Rey fait le trou, tu sais, normalement, pour faire un trou, tu sors de la terre, tu la mets sur le côté et ça fait un trou. Alors que là, Rey, elle fait ça et ça fait juste un trou. Il y a pas de sable qui se met sur le côté pour former le trou. Donc, ouais, elle le rebouche le trou. Elle le rebouche littéralement avec son. Avec sa mère. C'est obligé. Arrêtez. Après, c'est moi qui parle de caca tout le temps. Non, toi, tu parles de péter dans des aspirateurs ou dans des bocaux que tu portes sur ta tête. Oui, c'est vrai. et après, ouais, il y a il explique à Rey que, en fait, Leia, c'était une Jedi. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit, est-ce qu'il lui dit à ce moment-là, pendant le flashback et tout, Luke? Parce que c'est super intéressant. C'est clé, en fait, un moment clé pour la fin du film. Parce qu'il dit à Rey, Leia, elle a senti qu'à la fin de son voyage de Jedi, de son entraînement de Jedi, son fils mourrait. Et c'est pour ça qu'elle a arrêté. Maintenant, tu vas prendre le sabre de Leia et finir son entraînement de Jedi. il lui fait, mais c'est pire que ça, parce qu'il lui fait littéralement une Obi-Wan, parce qu'il, enfin une vieux Ben, parce qu'il lui dit Leia aurait voulu que tu finisses son entraînement. Il lui dit littéralement, Leia aurait voulu que tu aies ça et que tu finisses son entraînement. Après, il lui avait redit que Leia n'avait pas fini son entraînement parce que ça allait tuer son fils. Donc ça va, c'était prévu qu'il meure à la fin, hein, c'était une prophétie encore. C'est dégueulasse. Ah. Et donc ensuite, il va nous dire, ah oui, mais d'un certain point de vue, non. D'un certain point de vue, je t'ai dit de ne pas le faire du tout. J'ai dit l'inverse. Non, mais c'est une école de commerce, en fait, être Jedi. Oui, c'est ça. Puis en plus, t'as le vieux côté c'est, tout voilà, pourri d'un mode de Rey. Manipuler les gens. Pardon. En mode Rey qui fait à Leia, ah, un jour, je mériterais de tenir le sabre de ton frère. Et du coup, à la fin, elle voit le frère et le frère lui dit littéralement, non, tu prends pas mon sabre, tu prends le sabre de ma sœur, comme ça, ça reste entre filles, allez, casse-toi. Ouais, pourquoi La vraie question, c'est pourquoi il a pas son sabre laser vert, mais il a celui de sa sœur. Ben moi, je vais vous le dire pourquoi. À votre avis, pourquoi qu'est-ce qu'il comptait faire après à la fin du film? Bah Ken. Bah ouais. Mais pendant toutes ces années tout seul sur Actu, bah fallait bien qu'il se fasse des choses. Oh non. flashlight, le truc. Je suis étonné que vous l'ayez pas vu venir, hein, franchement. Bon, vous voulez pas t'arrêter? Et après t'as Luke qui sort le X-Wing. Putain. Ouais, les fantômes de force qui font de la force. Enfin, quoique en même temps, il y a Yoda qui déclenche un éclair dans l'épisode. Mais en vrai, c'est pas ça le problème. C'est que c'est comme à la fin quand c'est Lando et Chewie et Wedge qui viennent sauver tout le monde. Genre, c'est pas l'histoire de Luke. Pourquoi c'est Luke qui sort le X-Wing de l'eau? Pourquoi le X-Wing il fonctionne alors que on a vu littéralement dans le même film, hein, ils ont gardé le fait que sa porte elle était faite avec une aile du X-Wing découpée. Et pourquoi il y a le thème de Yoda alors que c'est Luke? Ah oui, c'est pour faire rimer avec Yoda dans le 5. Avant il arrivait pas à sortir le X-Wing, mais maintenant il peut. Wink, wink, wink. Mais alors, du coup, ça apporte quoi au personnage principal de cette trilogie? Bah, c'est Luke. Rien, mais ça bah, du coup, ça lui apporte mais qu'il même enfin à Luke, ça apporte. Même à Luke, ça apporte rien. Parce que ce qui était bien avec le 5, du fait qu'il n'arrivait pas à relever son X-Wing, c'est qu'en fait, ben, t'as le droit d'échouer, c'est pas grave. T'as le droit de faire des erreurs et de pas réussir. C'est pas dramatique. Et pourtant, t'es pas une moins bonne personne. Et là, ça vient tout niquer l'épisode 5, en fait. Je pense que ça apporte aux fans. Bah rien du tout. Mais ça depuis mais... 30 ans, et surtout ans. Il y arrivait pas parce que les vieux fans boomers ils aiment pas cette trilogie et les films il a été fait pour eux alors qu'ils vont même pas voir le film au ciné connard. Mais en plus le truc aussi c'était pour montrer que Luke il y croyait pas assez et que c'est pour ça qu'il arrivait pas à soulever son X-Wing, c'est parce que pour lui c'était impossible à faire parce qu'il lâchait pas prise parce que etc. Et du coup, quand le mec il est tout vieux et qu'il a passé sa vie à faire des trucs de Jedi badass, tu crois franchement qu'il sait pas qu'il peut soulever son X-Wing? Le mec, il arrive à se projeter sur une autre planète. À travers la galaxie, et il pourrait pas soulever un vaisseau. Oh, mais c'est trop ça. Et c'est genre, il avait pas besoin de ça. Et il y a Cousin Seb qui fait. D'ailleurs, on voit pas bien, mais il lève le X-Wing d'une main et de l'autre, il fait des doigts au fantôme de Yoda. et ça me fait penser. Le mec, il s'auto-congratule en fait. Le mec, il est là, il fait. Oh, t'as vu comment je suis trop fort. En plus, j'ai eu une nouvelle coupe de cheveux. Et après, plutôt dans le truc, oui. Il dit à Rey, si tu viens ici et que tu ne tues pas Palpatine, ça veut dire que les Jedi n'existeront plus et que les gentils ne pourront jamais gagner. Ce qui est à l'opposé total de ce que Luke disait dans l'épisode 8. Le seul truc intelligent que Luke disait dans l'épisode 8, ils le contredisent là. Et le mec, il dit dans l'épisode 8, tu sais, c'est à cause de... C'est à cause de leur vanité et du fait qu'ils se croyaient trop au-dessus des autres que les Jedi, ils ont foutu la merde pendant la prélogie. Et puis le film d'après, il revient, il fait « Ah, tu sais, je suis allé me ressourcer depuis que je suis un fantôme de force et je pense que les Jedi, c'est quand même les plus forts et les plus beaux quand même. Qu'est-ce que t'en dis? T'as vu mes nouveaux cheveux ?» Non mais... en plus, ils font de Luke vraiment une pauvre merde. Parce que TLJ... faisait de lui quelqu'un qui avait dû faire des choix ultra durs et s'éloigner parce qu'il se rendait compte qu'en fait, il mettait en danger tout le monde, etc. Et finalement, il fait, dans un dernier acte de sacrifice, il essaye de, tu sais, make amend pour ce qu'il a fait et tout. Et dans celui-là, il fait « Ah, moi, je m'étais caché parce que j'avais peur, hein !» Je suis allé sur acte parce que j'avais les pétoches. C'est complètement con et ça fait de lui un gros trou du tout merdeux, tu vois, genre, bah moi j'avais trop peur hein, de mon neveu. Alors que c'est pas vrai, il y était là-bas parce qu'il avait honte et parce qu'il était persuadé de faire enfin, d'empirer les choses. C'était pas la peur qui faisait ça, c'était parce qu'il était, il avait fait de la merde. Oui, il pensait que à cause de lui, son neveu était, il avait failli tuer le fils de sa sœur et ensuite le fils de sa sœur s'est barré et elle a tout perdu elle parce que le mari s'est barré aussi et du coup le mec il se dit putain j'ai ruiné leur vie. La honte et il la s'est peur, rendu compte qu'en essayant c'est exactement tout son truc du 8, il s'est rendu compte qu'en essayant de refaire les Jedi et tout en fait ça foutait plus la merde qu'autre chose et que du coup c'était peut-être pas trop bien de recréer ce culte et que chacun devrait se mêler de son cul au lieu d'essayer d'endoctriner des gosses et là il vient de voir et fait non j'avais juste peur. Mais ça va mieux. Je soulève mon X-Wing maintenant. Bah après, personnellement, je préfère le voir soulever son X-Wing que soulever sa sœur. Hein. Ce qui est bien, c'est que dans le film, tu vois les deux. Aïe, aïe, aïe. Enfin, le deuxième est juste suggéré, mais tu vois ce que je veux dire. Ils sont tellement collés à l'autre. Mais j'aimerais quand même bien avoir une interview dans les prochains mois de J.J. Abrams qui se fait ruiné par d'autres gens en face de lui en lui disant mais pourquoi t'as gâché Star Wars en fait et je pense vraiment enfin c'est vraiment le truc le plus j'aime pas je veux dire faire chier des gens sur internet ou quoi mais comme je disais sur Twitter il y a 2-3 jours Chris Terrio je ne lui souhaite que du mal vraiment cette pauvre merde humaine c'est vraiment quelqu'un de mauvais je pense et oui, c'est pareil on sait pas qui a fait ça ou quoi. On ne sait pas de qui vient les idées de merde. Mais bordel, en fait, quand tu es réel sur ce projet et que tu t'appelles J.J. fucking Abrams, normalement, tu peux dire « Bah non, arrêtez, là, c'est une mauvaise idée, tu vois. » Non, alors, lui, d'accord, il a fait l'inverse. Pardon. Non, mais oui, en fait, je ne sais pas si... Parce que moi, le pire, c'est qu'avant 9, là, J.J. Abrams, c'était un de mes réels préférés et encore plus un de mes prods préférés. Le nombre de films trop intéressants qu'il produit, c'est trop dingue. Et en fin de compte, le mec, bah, je suis en train de me dire que peut-être, bah, il avait juste un gros coup de chance et qu'en fin de compte, bah, c'est pas un mec aussi talentueux que je pensais. Et ça fait mal. Je sais pas si je leur souhaite du mal, mais je pense qu'il devrait se reconvertir dans le jardinage ou... Non mais en vrai là je veux pas voir Abrams à la réalisation de n'importe quel film hein. Là c'est fini hein. il peut produire aucun problème ça il le fait très bien mais c'est mort j'irai plus jamais voir un film d'Abrams au cinéma c'est fini. Bah, tu peux peut-être éventuellement leur laisser le bénéfice du doute qu'ils expliquent éventuellement si c'est vraiment que leur décision et dans ce cas là oui c'est ça en fait mais on a rien eu en fait aussi, à un moment donné. Alors juste pardon deux secondes Chris Terrio, les deux films qu'il a fait avant, c'est Justice League et Batman v Superman. Après, voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de lui redonner le bénéfice du doute ? Et je rappelle que les gens qui ont bossé sur le film ont dit que c'était JJ qui, à chaque fois qu'on contestait ses décisions, allait se plaindre à Iger pour que Iger dise « Ouais, c'est JJ qui a le mot final ». Donc oui, c'est JJ qui a fait ça, c'est pas les autres. Les autres, ils ont démissionné parce qu'ils étaient dégoûtés de ce qu'ils faisaient de Star Wars. Donc non, il a pas le bénéfice du doute quand tout le monde dit que c'est lui qui a fait de la merde. Sauf John Boyega qui lui suce allègrement son zizi. Je sais pas pourquoi. Sauf le zizi. Non mais comme dit, je pense qu'il faudrait retourner renvoyer les chaises les deux là. Ika qui demandait comment ça avait été pris Star Trek avec Abrams, a priori mal. Et surtout, si tu regardes les films Star Trek, en tout cas le premier de Abrams, c'est Star Wars 4, mais dans Star Trek. Bref, merci pour tout ça. On va peut-être passer au, stade de foot. Au moment où il y a des trucs inintéressants qui se passent entre temps et après ils arrivent sur Exegol. Sur Exegol. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors notre cher Ximnut qui est présent sur place, quelle est l'ambiance sur Exegol maintenant ? Oui, tout à fait, Grushkov. Je suis en direct, voilà, du COP des, voilà, les ultras du FC Exegol, voilà, qui sont très très chauds, qui sont très très, voilà, enthousiasmés à l'idée de voir, voilà, ce match de 12e division, voilà, avec déjà l'entraîneur, voilà, le coach Palpi, voilà, qui est vraiment très très excité à l'idée de cette rencontre. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à en parler parce que ça s'annonce d'être un match de 12e division d'anthologie. Oui, d'ailleurs, ça fait très longtemps que le coach Palpatine, ça doit faire un peu plus de 30 ans qu'il n'a pas entraîné l'équipe. Alors, on a hâte de voir ce qui se passe. Il paraît qu'ils sont venus en nombre cette fois-ci pour gagner face à la toute petite résistance qui est minuscule, microscopique. Ah, vous croyez pas si bien dire, hein, voilà. D'ailleurs, je vois le coach Palpi s'approcher dans son déambulateur impérial. Ils sont en train de le déposer sur le bord du stade, voilà. Donc je vois que ça enchante l'équipe les supporters du FC Exegol. Donc ça s'annonce vraiment comme un match d'anthologie. Et d'ailleurs très heureuse que le Ben Solo nous présente les nouveaux maillots de l'équipe de la Résistance. Voilà, vraiment très très beau maillot en tweed. Ça a l'air vraiment très très agréable à porter. Ouais, Ben Solo qui fait une entrée fracassante, hein, pendant que tout le monde est en plein milieu de la bataille, hein. Alors on voit que Rey vient juste d'accepter de devenir l'impératrice Palpatine. Un mouvement que vraiment on trouve assez intéressant, mais bizarrement le film ne s'attarde pas du tout là-dessus. Mais je suis sûr que... Le film semble plutôt s'occuper, voilà, se concentrer sur la confrontation entre Ben Solo et un groupe de hooligans, voilà, avec des accoutrements étranges. Visiblement, voilà, Ben Solo n'a pas trop de problèmes de s'en sortir, mais effectivement, on peut se demander pourquoi le film se concentre là-dessus plutôt que sur l'avenir de la galaxie, la confrontation entre la petite fille du coach qui voudrait bien reprendre la direction du club du FC Exegol, mais voilà. En tout cas, on espère qu'on va bientôt se reconcentrer sur les choses un peu plus importantes. Merci beaucoup, notre cher Ximnut. Et pendant ce temps-là, du coup, il y a Po qui dit un truc qui me fait marrer quand la résistance arrive et il commence à se faire bombarder comme c'est pas permis. Il fait « Welcome to Exegol !» Et ça me fait marrer. Voilà, c'est tout. Bah, et vous, les gens. Bienvenue sur Exegol. Je trouve que ça va dans les images de foot. Hein. You're ready for this. Avec les horns et tout, là, les points. Ouais. T'as les Knights of Ren qui arrivent avec des pompons et qui font les pom-pom girls. Yay! Ah ouais, plus rien à dire. Ça y est, le film est fini, allez, à plus. Non, mais alors, il y a plein de trucs géniaux qui se passent là-dedans. Alors, bon, tout le truc de Finn et Poe et Janna, c'est pas très intéressant en vrai, mais. Bah attends, ils font du poney sur des vaisseaux quand même. D'ailleurs, pourquoi le vaisseau, il s'est pas juste mis sur le côté, tu sais, pourquoi ils se sont pas juste. Ils ont pas juste pivoté et genre, tu sais, tous les autres, ils auraient glissé sur leur poney, ils seraient tombés, ils seraient morts. Attends, ouais, c'est pas une trottinette électrique. C'est long de manœuvrer quand même. Bah non, mais attends, mais ils ont pas besoin de bouger, ils ont juste besoin de pivoter leur truc pour se mettre sur le côté. Dis donc, tu t'y connais un petit peu trop en vaisseau, toi. Bah je sais pas. Le truc, c'est que c'est ce qui arrive après, en fait. Quand Finn tire sur le vaisseau pivote et Finn et Janna, ils glissent. Ouais, mais ça se trouve, pour le manœuvrer, pour faire pivoter, ça demande 15 milliards de manettes. Quoi ? Et si ça se trouve, tous les gens qui sont à l'intérieur, ils se pètent la gueule aussi, vu qu'ils sont en Bah, ils font une alarme, ils disent « Oh non, accrochez-vous, les connards !» Et puis... Ceci est un exercice, il va basculer. c'est peut-être que comme ils utilisent ce vaisseau comme repère pour tous les autres, s'ils commencent à faire des manœuvres de ouf, tout le monde va se péter la gueule. Ils vont tous le faire, tu sais, ça va faire une chorégraphie de Star Destroyer. Ils vont tous se pencher sur la gauche. Non, ça aurait été mieux. J'aurais bien aimé vouloir voir ça. Mais il y a plein de trucs. Vous savez, j'aime bien poser des questions ridicules. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de penser à Exegol et je me dis. C'est vrai, Rey le rappelle à un moment, hein, dans un passage qui fait très téléfilm M6, elle récupère le Wayfinder dans le taille brûlée de Kylo, et elle fait « Two were made !» Et puis du coup, elle va là-bas. Vous savez, elle transmet son chemin à la Résistance pour que la Résistance puisse y aller. Mais vous savez qui ne fait pas les informations. Ouais, quoi? Pas fini sa phrase. Pardon, mais je sais pas pourquoi il a fait ça alors que de toute façon eux ils ont Dio qui a les informations aussi. Mais Dio il a pas le chemin. Hein. Dio il sait juste où est le truc, okay, mais pardon, ils peuvent pas y aller. Mais la vraie question c'est oui effectivement seulement deux étaient faits. Et vous savez qui va sur la planète? Sans souci, alors qu'il a pas le chemin et qu'il fait pas partie de la résistance et qu'on lui a pas envoyé le truc. Eh bien, c'est le nouveau joueur qui est toujours face à des hooligans, notre cher Ximnut. Comment ça se présente? J'ai l'impression qu'il fait des moulinets un peu pour rien, on dirait son grand-père. Ah, mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais il semble que le stade soit envahi par une autre équipe qui n'avait pas été prévue jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on peut se demander, étant donné que c'était un match secret dont la localisation n'avait pas été donnée, on peut très bien se demander comment ils ont fait pour arriver sur le stade. Mais voilà, ils envahissent le terrain et la partie est actuellement perturbée. D'ailleurs, c'est à ça que tu pensais ou j'ai tout faux? Non, j'avais rien en tête, c'est pour ça que je t'ai jeté sous le bus. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que comment est-ce que Lando et tous les autres ils arrivent sur Exegol alors qu'ils sont... C'est peut-être à ça que tu pensais, peut-être que j'ai mal compris. Non, les autres ils sont liés à la résistance, donc ils avaient sûrement le truc qui leur a été donné par Finepo, mais non, pour comment Ben il est arrivé là, comment Ben il se souvenait du chemin, et surtout pourquoi son TIE Fighter c'est un TIE Fighter de l'Empire qui n'avait pas d'hyperdrive et il arrive là quand même. Mais c'est encore autre chose. Il a traversé un plot hole. Voilà, pour le fait qu'il arrive à venir, c'est pas qu'il y a... Il me semble que Rey elle a diffusé à tout le monde oui, en fait, le chemin. Ah d'accord, ouais. Ok. Elle a envoyé et en fait. Elle aussi, elle a fait un podcast. Mais alors, si en c'était fait, Rey. Il dit justement, Red 5 nous envoie des informations. Et après, il dit, ah, mais c'est Rey qui nous montre la voie. Ouais, ok. Mais je pensais qu'elle l'avait envoyé que à la résistance. C'est d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on découvre que Beaumont, là, Morgan, il parle le site. Oui, parce qu'il diffuse des informations dans une langue que personne ne connaît. Et puis lui, il arrive et il traduit. Donc je suppose que, en fait, depuis le début, ils avaient lui pour traduire le site. En fait, depuis c'est pas Jar Jar le site, hein, c'est lui depuis le début. C'est un clone de Palpatine. C'est juste une version plus jeune, du coup. Le mec, en fait, c'était un mec qui habite à Paris, mais il était supporter de l'OM depuis le début. Est-ce qu'on va en parler du combat Ben contre les Knights of Ren, parce que c'est affreux. Ah bah c'est gigamou, hein. Il est pas en forme, mais a priori eux ils sont encore moins en forme. Non mais même au-delà de la chorégraphie qui est dégueulasse, le montage il est encore pire. Ouais. Le montage, c'est comme genre Star Wars 7. Le combat, il y avait plein de gens qui avaient gueulé dessus à la fin entre Kylo Ren contre Finn et Rey. Il y a plein de gens qui disent ouais c'est de la merde, il est mou le combat et tout. Le combat, il était vraiment stylé dans Star Wars 7. Le problème, c'était que le montage était ignoble. Et je suis désolé, je sais que vous aimez plus ou moins tous Star Wars 7 ici, moi aussi, j'adore le film. Mais le montage de ce combat-là, c'est le pire montage des... Pourtant, j'aime bien ce combat, hein, mais le montage, c'est le pire, même peut-être encore pire. Non, peut-être pas pire que l'épisode 2. Mais c'est un montage qui est ignoble dans Star Wars 7. À la fin, le combat dans la forêt. Et c'est la partie entre Rey et... Et ouais, Kylo, quand elle prend le dessus, ouais. Avec le slow-mo. Le montage, il est dégueulasse. Je sais que Tuki, elle a jamais aimé cette partie-là. Mais le combat est dégueulasse. À la rigueur, Finn contre Kylo Ren, ça va. Ouais, mais c'est parce que les plans sont plus longs. Ouais, c'est ça. Et vraiment, le montage Rey Kylo Ren, mais c'est du gâchis, mais sans nom. Et là, c'est pareil. On attend ce combat. Enfin, moi, j'attends ce combat depuis longtemps parce que j'étais un peu saucé de voir les Knights of Ren se faire défoncer par Ben. Et du coup, là, je me dis, oh, trop bien, ils vont se battre et tout. Ça dure 15 secondes. Kylo Ren, il tourne en rond. Ben, il tourne en rond. Je ne sais pas compris pourquoi il fait la toupie. Il saute. Et même au-delà de ça. Il fait le saut le plus moche. Le plus moche de toute la saga. Qu'est-ce que c'est que ce saut ? Tu parles du saut où il s'accroche aux grosses chaînes, là ou... Non, le saut où il s'accroche à un des Knights of Ren et il saute par-dessus. Ouais, il saute par-dessus un chevalier de Ren et il le plante par derrière. Et après, il le jette dans un truc qui ressemble à ce qu'il y avait dans la salle du trône. Ouais, il le jette dans un truc. Mais ce qui est con, c'est qu'en plus, il y en avait combien de Knights of Ren ? Il y en a 6, peut-être ? Je sais plus. 6. Et en gros, on avait vraiment de quoi avoir un combat dynamique comme il voulait, parce que je sais que le combat de TLG contre les gardes prétoriens, ça n'avait pas plu à beaucoup de monde. C'est complètement con d'ailleurs, parce que ce combat est trop stylé. Et ben là, je me dis, bon, bah, peut-être que du coup, ça va être, je sais pas, plus dynamique, plus. En fin de compte, non, parce que c'est vraiment mon du cul. Et en fait, à chaque fois que je regarde le combat, je pose pour essayer de compter le nombre de morts. Et dans le lot, il y en a deux qui ne tuent pas. Hein. Ils ont disparu d'écran. Il n'y en a pas qui réapparaissent aussi ? C'est possible, mais moi je sais que dans le lot, je crois qu'il y en a au moins deux. Non, peut-être pas deux, il y en a au moins un. On ne voit pas mourir en fait. Genre vraiment. Ouais, il meurt juste. Ouais, il meurt, il disparaît le gars. Il n'est plus là. Il est passé par le swag de Ben Solo. Écoute, il a vu comment le combat se passait, il s'est dit nope, moi je me casse en fait, tu vois. Tu sais, il y en a un. Et le moment où. Ouais, le moment qui me bute le plus. C'est le moment où Ben, il fait un espèce de moulinier avec son sabre, il se penche en avant et il met le sabre dans son dos. Oui, et il attend il attend 3 000 ans, mais je me suis dit, mais ils sont quand même bons cons, ces potes-là. J'ai pas compris, c'est mais plus non con. Tapez pas dessus, vous êtes débiles ou quoi ? Vous avez jamais vu Star Wars de votre vie ? Et vraiment, en fait, ça se trouve, c'était comme ça qu'ils faisaient leur high five à l'époque quand ils se battaient tous ensemble. Tu vois, lui, il mettait son sabre dans son dos et les autres, ils tapaient tous dessus en mode high five. Non mais vraiment, mais là ils avaient une occasion en or de faire un combat dynamique, stylé, joli, lourd de sens. Surtout que quand même le combat il commence bien parce que au début le Ben Solo Shrug, on en a pas parlé, mais putain ma vie mon sang. Et ben concrètement ça commençait tout bien. Je veux dire le plan de départ il est stylé et tout ça. Finalement le montage, la chorégraphie et la durée du combat mais foire tout, elle ruine tout. Et du côté de Rey c'est pareil. Hein. Du côté de Rey, c'est... Elle les pousse avec la force, ils tombent par terre et les mecs, ils ne les voient plus jamais. Pareil, le dernier que Ben, il bat, il le fait juste tomber. Ouais, mais le mec, il s'est enfui parce qu'il ne voulait plus être là. Tu sais, ils les font tomber, ils meurent. Bravo, les gardes. Mais tu sais pas, ça se trouve, il avait la maladie des os de verre. Il s'est pété le crâne. Peut-être. Mais non, mais en vrai, genre ce genre de truc, ça marche quand c'est des droïdes, comme dans Star Wars épisode 1, où vraiment, genre... Quand B1 et Qui-Gon poussent les droïdes avec la force, les droïdes se cassent, à la rigueur, ça a du sens. Non, c'est là, les droïdes cassent. la rigueur en dessous, c'est des personnes vivantes. Et je pense pas qu'une personne vivante. Alors après, on sait pas, peut-être que genre, on peut imaginer que genre, il lui a brisé le cou quand il a tiré en arrière ou je sais pas quoi. Ou juste que ça l'a surpris et que c'était un petit vieux qui est mort d'une crise d'acte, j'en sais rien. Mais concrètement, ça m'énerve de voir à quel point il y avait une matière à faire une scène d'action trop cool, parce que moi j'aime beaucoup les scènes d'action dans Star Wars, et surtout quand il y a des sabres laser en plus. Et donc je me dis, mais trop bien et tout, on va voir des actions avec des sabres laser et tout, ça va être dynamique. En plus, ils ont dit, ouais, vous allez voir, les combats ils vont être cool et tout. Et en fin de compte, à chaque combat qu'il y a, on se fait chier parce que c'est soit mal monté, soit il n'y a pas de dynamique émotionnelle. Soit c'est mal chorégraphié, soit c'est tout à la fois comme ce combat à la con. Mais c'était contre les Clodo Dren, t'attendais à quoi ? Les mecs, ils sont forcément nuls aussi. Non mais oui, mais elle a rigueur. Les mecs, ils se font pousser, et puis tu sais, une fois qu'ils sont par terre, ils se disent « Ouais, non, en fait, je vais faire le mort, c'est bon. C'est... Okay. Ouais, c'est ça. Je vais juste rester allongé là et repenser à ma vie. » Hein. Non mais ça me rend dingue, parce que vraiment, ils avaient ce qu'il fallait, et ils ont rien fait. En fait, c'est ça, tout le film, ça, en fait. Hein. Ils avaient ce qu'il fallait, ils ont rien fait. Voilà. J'adore parce qu'en plus, pendant qu'ils font ça, après ils se rejoignent, Ben et Rey. Tu sais, ils se regardent, genre, ils vont se baiser. Et t'as Palpatine qui les regarde. T'as un plan sur Palpatine qui est en train de les regarder et qui fait... What the fuck? Ça va, je vous emmerde pas, là. Ouais, c'est ça, ouais. Il m'a piqué ma meuf. Tu sais, c'est le truc... Hey, you two shot kiss. Le mec... Mais ça, c'est pareil. Genre, voir Rey à côté de Ben, main dans la main, enfin, pas main dans la main, mais genre sabre laser qui relève en même temps et tout. Ce plan-là, à la rigueur, il est plutôt joli. Mais putain de merde, mais pourquoi ça... Il n'y a rien derrière, en fait. Ils en ont rien fait. Ben, ils il se fait denied par ce connard de Palpatoche avec son peignoir à foutre dégueulasse. En parlant de peignoir. Ouais. Il change de tenue. Il change de tenue. Tu sais, il est là, il fait « The life force of your bond. Ah, a queer eye in the force. » Dégueulasse. Il est dégueulasse. Ils prennent la force aux deux. Et après, il est tout pimpant et tout. Et entre-temps, il a changé de fringue. Oui, oui. Il a pas du tout la même tenue. Genre, il y a un cut, à un moment donné, il va dans son petit placard chercher son nouveau peignoir à foutre. Et il se change. et le premier truc qu'il fait... Mais il est cool, son peignoir. Tu sais, c'est ça qui est horrible. Cool, mais... C'est que, genre, Ben, il se relève, quoi. Putain, beau gosse, quoi. Et il se bat jusqu'au bout, quoi. Il en a plus rien à foutre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette. Alors, attendez, il y a un truc que je trouve qu'on n'a pas trop évoqué tant qu'on parle de fringues et de Ben. C'est le color swap de Ben Solo, quand même. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est Adam Driver qui a débarqué sur le... qui a débarqué sur le plateau. Et JJ qui a dit, bah écoute, tu vas faire ça comme ça, hein. Avec son pyjama, surtout. Petit t-shirt là, de mec qui habite à New York, tranquille, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ils se sont pas bien embêtés, quoi. Bah, je trouve que ça lui va bien. Ça me dérange pas, ça marche bien, je trouve. Ça lui va bien, mais c'est surprenant quand même. Ça m'a un peu surpris. Et ses cheveux. Il a jamais été aussi beau de sa vie, Adam Driver. J'aime pas ses cheveux dans ce film-là. Dans le film, à part quand ils sont dans la flotte. En train de se battre, je trouve ses cheveux pas terribles. Mais en fait, j'aurais bien aimé juste vraiment qu'il se coiffe pour de vrai, pour une fois. Ah non, mais moi, qu'il se fasse un truc un peu plus une coupe genre de samouraï ou un truc comme ça pour retourner dans les trucs des Jedi. Tu veux dire un chignon, un truc comme ça? Ah ouais, non, c'est vrai. Non, mais un truc. Oh non, c'est moche. Alors, t'as jamais vu Adam Driver avec un man bun, mec, parce que. Je te jure que c'est vachement plus sexy et non mais et les gens à voir comme dans les artworks. Oui, hein. Quoi? Complètement chauve, rasé comme dans les artworks. Va te faire foutre toi. Non mais concrètement, je suis pas du tout fan d'Adam Driver, je le stan pas du tout, mais vraiment là, je trouve qu'il a jamais été aussi beau avec ses cheveux en pagaille. Dans le vent, quand tu regardes les caméras, quand Rey lui passe le sabre laser, d'ailleurs, seule bonne idée du film. Putain, il est beau. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. J'ai chaud. Après, j'ai vraiment chaud, là. Il fait genre 25 degrés dans ma piole. Mais ouais. Bref, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais voilà. Peut-être. Mais comme ça lui va bien, on lui pardonne. Ouais, c'est ça. On en est où là? C'est quand ben, la fin? Ils sont face à Palpatine, il le jette parce que. Et puis même avant ça, je trouve que quand même là, je sais pas, le moment où il leur aspire la force vitale là, c'est bizarre cette position dans laquelle ils sont là. Ils ont vraiment l'air mal et tout. Alors ils sont vraiment mal pour de vrai, mais je sais pas, c'est bizarre, ça a pas l'air naturel et tout comme position dans laquelle ils sont. Ça m'empêche vraiment d'apprécier tout le drame de la situation. J'étais peut-être le seul. Je trouve ça chippos, le coup de ah, je t'aspire à la vie parce que je suis Palpatine, je suis trop fort. Ouais, et genre pourquoi ça lui redonne la vie Il pouvait pas faire ça il y a genre 40 piges quand c'était un pruneau. Enfin, quand c'était encore plus un pruneau. C'était pas prévu. Non, là, ils voulaient leur aspirer la vie pour les tuer. Là, mais c'est parce que c'est le force de la dyade que ça le régénère. Oui, c'est vrai. Ouais, ah, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a étonné. La dyade, moi, je pensais que c'était que un terme de Relo, de fan. Je pensais pas qu'il l'a... J'avais pas remarqué la première fois qu'il l'avait intégré dans le film. Mais ça a été inventé par le film. Hein. Personne ne disait ça avant. Et est-ce que c'était déjà dans le 8? Il l'utilisait déjà non. parce que moi, ce mot, je l'avais déjà entendu utiliser, peut-être je me suis trompé, avant la sortie du 9. Ben, c'est un mot qui existe, Ximnut. Justement, je pensais que... Ben non, tu viens de me dire juste avant que ça a été inventé par le film. Non, mais dans le contexte de ces deux personnages-là, je veux dire. D'accord, donc oui, voilà, c'est ça, ça m'a étonné. Je pensais que c'était... J'étais étonné de voir un truc qui était surtout utilisé par les fans et vraisemblablement pour un film qui essaye, qui donne des trucs qui font surtout plaisir aux fans toxiques, j'étais étonné qu'ils utilisent un mot que j'ai surtout vu utilisé par les rélos jusqu'à présent. De quoi vous parlez ? Mais nous, on disait pas ça avant, en tout cas. De quoi vous parlez ? La diade. C'est d'autant plus con d'amener ce concept de diade pour en buter un des deux à la fin. Oui, diade, c'est bien. C'est utilisé par les rélos après pour parler du film, mais parce que ça a été créé par ce film. Là, le concept de diade de la force. Des fois, vous me dites que le mot existe avant le film, d'autres fois, vous me dites que non. Non, en fait, c'est un mot qui existe dans la vraie vie. Mais qu'il n'était pas utilisé, enfin en tout cas moi je me rappelle pas non plus qu'il soit utilisé dans le fandom avant l'épisode 9. Ouais non, il a été introduit par le film. Il y a des gens qui en ont parlé parce qu'il y avait eu des leaks qui disaient que ça faisait partie des leaks dont tout le monde se moquait parce qu'ils étaient trop faux, trop cons pour être vrais. Ils étaient tellement pétés qu'on se disait non, c'est pas possible. Et genre c'était il y a quelqu'un qui a dit que Rey et Kylo c'était une diade machin truc et tout, et c'est la seule fois où des gens en ont parlé avant la sortie du 9. Mais à la rigueur, en fait, la diade c'est juste un nom qu'ils ont dit pour Absurd, quoi. Et ça, oui, Absurd, on le savait déjà depuis bien longtemps. Oui. Et surtout, voilà, je me suis trompé. Je pensais que c'était un mot qui existait depuis longtemps chez les Rélos, bien avant la sortie du 9. Non, pas du tout. Justement, quand on a découvert avec les leaks et tout que c'était une diade, ça a plu aux Rélos, mais c'était pas un terme qui existait avant que le film introduise. Enfin, c'est un mot qui existe, mais il n'existait pas dans le fandom avant. Ok. Tout ça pour dire que ça leur a bien servi, parce que du coup... Ça a survi la durée de 15 secondes. Vous vous rendez compte quand même que Palpatine, il gagne. Genre, il dit, si vous tenez ensemble, vous allez mourir. Et tu sais ce qui se passe après ? Rey, elle meurt, et après, Ben, il meurt. Ah, il avait raison. On va nous faire crever tous les deux. Et c'est rigolo parce que du coup Palpatine c'est quoi son plan? Et en fait ce qui est génial avec Exegol, c'est que Palpatine il dit ouais on va faire ça, et après il fait non en fait le plan c'est ça, et après non en fait le plan c'est ça, et peu importe ce qu'il dit t'as toujours ses supporters qui sont là genre ouais vas-y Chief, ouais t'as raison. Qui ne saute pas n'est pas un Sith. Si. C'est complètement. Ah bravo Dark Vador pour avoir Anakin pour avoir ramené pour avoir détruit les Sith dans l'épisode 6. C'est... Ah oui, bravo mais ça la c'est pareil. Prophétie. Et t'avais une planète entière de Sith. Quand Rey, elle est dans les pommes, elle est genre, elle a pas de force et qu'elle entend tous les Jedi qui lui disent allez, t'es la meilleure et tout, et qu'Anakin lui dit rétablis l'équilibre comme je l'ai fait. Mais oui, ouais. C'est genre, did you, Anakin? Did you? J'ai hurlé à ce moment-là, j'étais en train de lui dire vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit, mais c'est un coup de Shiv, c'est pas possible, c'est pas des vraies voix qu'elle entend, c'est pas possible que ce soit eux. Et j'ai entendu Ahsoka et Kanan, je suis là, peut-être pas, putain, mais vraiment... Mais quelle bande de blaireaux, genre. Non mais Hayden Christensen était dans son ranch canadien, là. Il y avait une bande de fous de Lucasfilm qui lui forçait à enregistrer les trucs, alors il a enregistré ce qu'on lui a dit, voilà. Bonne nuit, Ika. Genre, rétablis l'équilibre comme je l'ai fait. Mais connard, tu l'as fait quand? Il fallait nous prévenir, hein, parce que putain, depuis que t'es mort, il n'y a eu que des couilles dans la galaxie. Hein. Je te spoil, mais... Tout le monde est mort. Et mec, au lieu de t'occuper de la meuf, là, pourquoi tu irais pas voir ton petit-fils dont la vie a été ruinée par ta simple existence? Non? C'est bon, vas-y, laisse-le. C'est parce que Anakin a une conception Jedi de l'équilibre qui est de supprimer tout le côté opposé. Ouais, bah il avait pas fait de toute évidence vu qu'il y a une planète entière remplie de Sith et ils ont, ils ont construit une flotte de... ils ont cloné une flotte. Et, tu sais, tu vois, j'imagine bien que c'est tous les fantômes de force là qui regardent un petit peu le film en se disant oh la vache et tout. Et quand ils ont vu Ben, enfin Kylo Ren, arriver sur Exegol, ils sont tous tournés vers Anakin. L'équilibre, du coup. Ouais. Bravo, gros. Bravo. Bravo, les Yuan à côté qui fait spam. Putain, t'as Qui-Gon qui fait tu as fait ton mieux, Anakin. Et tu as t'as Obi-Wan à côté qui fait je lui ai bien dit que c'était pas l'élu. Et derrière, t'as Dark Maul. Bah, j'aurais mieux fait de le buter. Finalement, il était pas si impressionnant. ouais. Et j'adore. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué la subtilité de la scène où Rey elle entend tous les Jedi ? C'est que le film, il s'appelle The Rise of Skywalker. Ils disent tous 70 fois Rise. Et à la fin, elle dit qu'elle s'appelle Rey Skywalker. Et en fait, c'est pour subtilement dire qu'en fait, c'était elle dans le titre The Rise of Skywalker. Wow, j'aurais jamais cru. C'est subtil, mais si tu fais gaffe, au bout de trois fois à entendre des Jedi lui dire Rise, tu peux te dire, ça fait réfléchir hein, quand même un peu. Yoda, il fait une variante. Yoda, il dit « Rise in the Force ». Oui. Okay. Alors que les autres, ils disent carrément... C'est... Alors, si ça se trouve, non, ils ont juste le mauvais numéro, tu vois. C'est Yoda qui leur a filé le numéro, il a copié tout le monde sur le groupe chat, et puis en fait, c'était pas le bon, tu vois, donc... Allô, c'est bien Ben. Vous savez, dans Harry Potter, quand ils sont tous là, à côté de leur balai, ils font « Debout ». Debout, c'est les Jedi, ils sont là, debout, allez Rey, debout. Yoda, il a inversé les chiffres, donc voilà, c'est numéro. Et les mecs, ils sont là, ils font, vas-y Rey, vas-y, vas-y, et puis pendant ça, t'as l'autre, il a la jambe pétée au fond du trou, il fait, les gars, ouais, il est dans un trou, un coup de main, les mecs, ils font... on passe sous un tunnel, pardon. Moi, je vous espérais, parce que moi, j'ai fait beaucoup de... caca. Merde, oui aussi. Ça, c'est ce que j'ai dit. On a dit la même chose. Tu sais, ce que tu disais l'autre jour sur genre quand les fans t'imaginent des trucs. Ouais. Quel truc, ouais. Headcanon. Pas des théories, mais tu sais du lore. Oui, d'accord, de headcanon. Voilà, headcanon. Ben moi, c'est, en fait, ce film-là, c'est ma seule comment. Faire du headcanon dans ma tête, tout ça, c'est vraiment le seul truc qui rend ce film possible dans ma tête. Et du coup, je me dis que, genre, avant d'aller voir Rey, ils se sont bien assurés en allant voir Ben en disant ça va, frère, tu vas bien, tu veux un peu d'eau, tu veux un petit coca, ça va le faire, allez, gros, on compte sur toi. Bon, maintenant, on va voir ta copine, salut. 5 euros les popcorn. Moi, je me dis vraiment. Ouais, je me dis dans ma tête. C'était qu'un mauvais rêve. Non, mais moi, je me dis dans ma tête, forcément, ils sont partis voir Ben à un moment donné parce que vraiment, c'est des sales merdes. Et je me dis aussi, genre, que Rey, genre, je sais pas. Moi, ce qu'on avait parlé un peu de ça par rapport au nom Skywalker qu'elle choisit à la fin, moi, je pense que ça pourrait être aussi, genre, un titre, tu vois, genre, le titre, genre, tu sais. C'est quand t'es maudit. Non, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, quand t'es la tête de l'Ordre Jedi, tu vois, je me dis, bah, peut-être que c'est ça, tu vois. Genre en mode la grande Skywalker, tu vois. Genre, mec. Mec. Il y a des gens qui disaient que... a priori, l'endroit où ils sont, là, ça s'appelle la cathédrale. Le stade de foot, c'est la cathédrale. Et du coup, ils disaient que vu que Rey et Ben s'embrassent là, ils sont mariés. Et du coup, c'est pour ça qu'elle prend le nom Skywalker. Mais bon, c'est pas vraiment... enfin, c'était pas son nom. Bah ouais, lui, mais bon, pas Skywalker ouais. Aussi, lui, tu vois. Ouais, mais bon, Solo, c'était... Voilà, ça l'a rappelé qu'elle était toute seule. Donc, elle s'est dit, je vais prendre le nom du papy. Ah, Organa ? Oui, je sais. Il y avait tellement de noms meilleurs. Non, mais tu sais, c'est quand tu fais de l'improvisation, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu t'inspires de ce qu'il y a autour de toi pour trouver des trucs à raconter, tu vois. Ouais, c'est pour faire semblant. Ça se trouve, c'était juste une grosse fan de Shmi. Ouais, c'est ça. Après tout, Shmi, c'était la première Skywalker. Bah, tu sais quoi, ça serait moins déplaisant comme théorie. Ouais, ce serait bien. Elle a rencontré Shmi quand elle était morte. Elle est allée un peu de l'autre côté. Elle a vu Shmi. Elle fait oh putain, trop badass. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé quand Rey elle est morte? Pourquoi Rey elle a pas disparu? Elle est boire le thé avec Shmi. Ah, ça c'est possible, hein, Grushkov. C'est expliqué dans The Clone Wars. Tu sais, en gros, pour qu'il puisse disparaître dans la Force, faut faire une espèce de d'épreuve et seul en gros Yoda, Ben, Obi-Wan et Ben Solo aussi le fait dans, je crois qu'il le fait, je sais plus. Non. En fait, il y en a que très peu. C'est sur justement sur ça le fait sur, faut le faire sur comment? Dagobah. Sur Dagobah en fait. Et en fait, Qui-Gon, il n'a pas fini cet entraînement là. C'est pour ça qu'à la fin du 3, il dit à Obi-Wan qu'il a trouvé le moyen de contacter Qui-Gon. Sauf que Qui-Gon, il n'a jamais fini cet entraînement. Donc Qui-Gon, il est un peu à la limite, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, moi je pense que c'est juste parce que c'est une Palpatine et les Palpatines ils ont pas le droit. Vous avez pas vu The Clone Wars? Il y a un épisode là-dedans où en gros Yoda va faire l'épreuve parce et que ouais. Genre il a trouvé des trucs de Qui-Gon. Mais je croyais que Dave Filoni il faisait que des trucs extraordinaires. Non mais en vrai la rigueur c'est pas tout le monde peut faire de la merde. Non mais c'est pas si con que ça, c'est pour ça en gros que les Jedi qui meurent c'est pour ça qu'en gros que les Jedi qui meurent dans le 3 bah ils disparaissent pas tous quoi. Il y en a genre que 3 qui disparaissent au total. Mais Luke il le fait aussi du coup. Le trial, quand tu fais l'épreuve. Oui, il revient à la fin. C'est pour ça qu'il disparaît. Okay. Parce que Luke, bah, il a dû se faire chier pendant 10 piges tout seul avant de lancer son école, donc il a fait un peu de tour. Et je pense qu'il a fait. Anakin, il l'a pas fait non plus. Bah ouais. Anakin, il l'a fait en tant que Vador, je crois. Mais qu'est-ce que ouais, c'est ça que cette merde? Bon, Vador ou c'était Anakin pas, sont... C'était pas une vraie question, en vrai. C'était juste... Désolé, mais moi je te réponds avec ce que je t'ai dit. C'est scénario et puis c'est tout. Quoi. Enfin... Mais c'est quand même, c'est quand même des grosses merdes, les Jedi, parce qu'ils sont là, genre ils feront Rise, vas-y, Rey. Et du coup, Rey, elle se relève, elle tue Palpatine, et après, bizarrement, ils sont plus là, les gars. Hein. Ils font même pas ouais, bravo, ou truc comme ça. Non, c'est... Allez, c'est bon, crève maintenant. Alors merci les Jedi. Mais ce qui me fait beaucoup rire moi, c'est quand il y a Palpatine qui lui fait mais moi je veux que tu me tues, tue-moi, allez. Et puis Rey elle fait tout ce que tu veux, c'est que je déteste des gens, que je te déteste, mais je te détesterai pas. Et après, il dit « Ah, t'es faible comme tes parents. » Et Rey, elle fait « Non, mes parents étaient forts. Ils m'ont protégé de toi. » Et je trouve ça hilarant, surtout dans le contexte de la fin, où elle, du coup, elle dit « Ouais, mes parents, ouais, je les adore. » Et à la fin, du coup, elle choisit le nom d'un connard qui a été désagréable avec elle pendant 2 semaines au Finistère, quoi. Mais c'est parce qu'entre temps, elle a décidé que c'était eux, ses parents, enfin, Luke et Leia. Genre. C'est deux dont elle parle, la Palpatine. Mais après, de toute manière, on n'arrête pas de le dire depuis le début, hein. C'est un film avec des visions conservatrices. Donc voilà, aimer ses parents, tout ça, la hiérarchie. Donc même si ça se traduit pas dans le film, c'est des intentions en fait à mon avis. Donc c'est pour ça qu'elle dit des trucs pareils. Oh là là. Non. Je sais pas, les conservateurs ils feraient pas prendre le nom de quelqu'un d'autre, ils assumeraient le nom de leur père. Les conservateurs ils aiment bien le prestige, les trucs comme ça. Donc. Ah c'est ça. Mais voilà, ça me fait trop rire parce que genre ses parents ils l'ont quand même vendu, mais il paraît qu'ils étaient forts, ses parents. Et maintenant c'est une grande fan de ses parents, à tel point qu'elle va plus jamais y penser et qu'elle va prendre le nom de Luke. Tu sais, à la limite elle voudrait pas prendre le nom de son père parce que c'est Palpatine, donc c'est un peu chaud, mais sa mère elle avait un nom, non? C'est trop ça, genre pourquoi elle a pas pris le nom de famille de sa mère? Je pense que c'est parce que personne n'aurait compris qui c'était. Sauf si sa mère, c'était une Kenobi. Oh putain. Mais peut-être simplement qu'elle connaît pas le nom de famille de ses parents. Je pense surtout qu'on les connaît pas, ouais. Non, faudrait qu'elle reste une vraie personne. Bah ouais, carrément. C'est le seul truc qui avait du sens. On n'a pas parlé des connards qui avaient au-dessus de la planète et qui se battaient là. Bah parce qu'on s'en bat les couilles en vrai. T'as des choses à dire là-dessus. Moi, si on peut skip ce passage, ça m'irait carrément. Il n'y a vraiment pas d'enjeu parce qu'il y avait de l'enjeu dans le Retour du Jedi. Parce que s'ils ne détruisaient pas l'étoile noire, ils pouvaient faire des ravages. Là, ils peuvent faire des ravages, mais on s'en branle. J'ai mais si... un truc à dire dessus, et c'est. Ou alors tu veux le dire, Grushkov. De quoi ? Vas-y. Par rapport à Snap. Par rapport à Snap ? Ah oui, Snap, vas-y. Grushkov qui me fait remarquer ça hier pendant le film, et j'étais genre non. Et si, en fait, Snap, quand il quitte la base rebelle, enfin, résistance. Il monte dans un A-Wing. Oui. Et dans la scène où il meurt, il est dans un X-Wing. Putain, j'ai pas encore fait gaffe. T'es sérieux ? Ouais. Oui. Il est dans un X-Wing. Il prépare un A-Wing. Il monte dans un A-Wing. Après, tu le vois à l'intérieur d'un A-Wing. Non, puis après... Oui, même le set Lego, c'est le A-Wing. Oui, même le set Lego, c'est le A-Wing. Et quand... quand Poe, il fait « Snap ! Non !» Et ben, t'as un cut sur un X-Wing qui se crache. C'est parce qu'en fait, Snap, il est pas mort avec Poe, c'est juste en un fait, gros tocard. Poe, le gros con. Non, mais je le vois dans l'X-Wing, en plus. Si, parce que tu le vois mourir de l'intérieur, je crois. Du coup. Oui, c'est vrai, en plus, tu le vois tu mourir le vois dans le X-Wing. Ouais. C'est bizarre parce qu'il avait refusé de faire ça dans l'épisode 7 pour être sûr que JJ allait pas le tuer. Il avait refusé de filmer une scène où il mourait... Parce que ils faisaient genre tu sais ils ont pas vraiment de script pour les batailles, ils font faire machin truc standing by attention il y a ça attention il y a ça des trucs comme ça et du coup ils faisaient faire une scène de mort à tout le monde au cas où et lui il avait pas voulu tout ça pour mourir juste avant que son beau-père arrive. connard Gigi, putain. C'est trop drôle parce que en vrai un vrai truc aussi. C'est par rapport à cette scène-là de quand il y a tout le monde qui arrive. Est-ce que toutes les répliques, elles sont pas giga daubées du cul ? Genre, oh, you made it, Finn. Lando, et puis il y a Lando qui avance, tu sais, genre normal, tu sais. Et il y a un cut sur Wedge, et Wedge, il fait « Nice flying, Lando !» C'est trop pourri. C'est tellement inutile en plus, ça sert à rien dans le contexte. C'est pas, ça se trouve Lando, il est devenu super riche et il a lancé une sorte d'appel aux gens en disant bah j'ai pas d'héritier parce que j'ai perdu ma fille, du coup je cherche un héritier à qui léguer ma fortune quand je vais mourir, ce qui est tant pas trop longtemps parce que je suis vieux. Et du coup ils sont tous genre hey, regarde tu voles trop bien, je suis trop fan de toi. Et après ça continue parce que. Il y a Zori qui revient, et là, alors non seulement elle joue mal, mais en plus les répliques elles sont à chier. Elle fait So long, Sky Trash! Et puis t'as lui qui fait oh, Who's that flyer? Ah ouais, je viens de te parler, super, connard! Jeu de. jeu d'acteur sur 20. Et putain, elle lui fait Take a guess, Space Runner! C'est le mec, il la revoit, il passe son temps à faire hey, « Eh, on baise !» Et puis, il l'entend parler, il est genre « C'est qui, ça ?» Connard. Putain. Et par contre, il reconnaît qui c'est, il dit pas « Oh, c'est Zori hein, !» Quand elle fait « Take a guess, Spice Runner !» Il dit rien, il y a Babou Frick qui fait « Hé !» Et puis là, il fait « Babou Frick !» Mais non, il fait Zori. Il fait Zori. Non, oui, il dit Zori. C'est vrai. Ah putain, je pensais qu'il disait Babou. Mais il aurait dû dire Babou Frick, ça aurait été beaucoup plus drôle. Oh, Babou, le copier-coller de Babou Frick. Ouais, mais on entend le hé hé. Mais vraiment, le truc des Space Runner, ça me tue. La façon dont elle le dit. Quel âge, putain. Bah, 12 ans. C'est quoi ? Qui est-ce qui a écrit cette merde ? Bah, c'est un enfant de 12 ans depuis le début, hein, je suis désolé. C'est complètement ouf. C'est il a écrit sur son Skyblog « Regardez ma fanfic !» Alors, bah, franchement, juste... c'est ce que je disais hier, c'est le fanfilm le plus long que j'ai jamais vu. Putain. C'est pas un bon fanfilm. C'est pas Adrien qui va me contrôler. Non, mais surtout le plus nul, hein, parce que t'en as des très très bons. Non, c'est un fanfilm qui ne prend même pas l'univers. Genre The Last Jedi, c'est un fanfilm, hein, et pour le coup, c'est beaucoup mieux. Tous les films, mais surtout Disney, que c'est surtout présenté comme une critique, notamment on l'a vu pour The Last Jedi, alors que là, ben non, dans ce cas-là, non. Ça oui. Va, ça pas. Juste, j'ai une petite précision par rapport à ce que vous disiez sur les fantômes de force tout à l'heure. En fait, Anakin, il n'a jamais passé le trial, mais ouais. C'est grâce à aux Zizikloriens et Yoda. Non, mais en fait, c'est presque ça. C'est grâce à Obi-Wan et Yoda qui en fait ont ils ont fait une dérogation. Ouais, c'est ça, bref. Mais deux papas, ils ont dit que je pouvais. C'est vraiment pour j'ai des potes à l'intérieur, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non, mais c'est vraiment ça. Genre, à mon avis, il y a des mecs qui. À mon avis, ils se sont dit, vas-y, on va lui essayer de dire au revoir à son fils quand même. Mais du coup, ils l'ont fait apparaître pendant genre 20 secondes pour qu'il dise au revoir. D'ailleurs, je vous conseille, rien à voir, mais je vous conseille les séries Lego Star Wars qui sont sur Disney Plus si vous pouvez, parce que vraiment, il y a un sketch dedans où en gros, il y a donc Anakin qui apparaît à la fin de Star Wars 6 et Luke qui regarde le fantôme et dit, mais vous êtes qui vous? Et du coup, genre, Anakin, il fait, bah, je suis ton père. Et Luke répond, bah, t'es pas comme ça, il y a vraiment 30 secondes, en fait. Donc, en fait, et c'est super drôle, ces séries-là, c'est vraiment des sitcoms incroyables, je vous les conseille. Mais du coup, Leia, elle est allée sur Dagobah faire l'entraînement? Bah, écoute, non, peut-être. Si elle... Bah, je pense que oui, parce que c'est sur Dagobah où ils sont avec Luke quand ils sont. Non, c'est sur Ajan Kloss. Ouais, bah, écoute. Ah oui, je vous l'ai pas dit, un autre truc. C'est que Rey, quand on la voit faire l'entraînement, en fait, bah, c'est le même entraînement que Luke qui faisait faire à Leia quand elle était enceinte de Ben. C'est... voilà. Et du coup, dans le flashback, il s'entraîne sur cette planète-là aussi. Oh, ok. Mais du coup, avec ce truc-là, c'est officiel que Ben, il est mort-mort, quoi. C'est même pas un fantôme de force. Mec, il a rejoint la force, mais ils l'ont pas fait revenir. Non, non, attends. Parce que dans un comic, il part avec Snoke sur Dagobah. Le problème, c'est que en fait, il tombe justement sur les visions de ses parents, je crois. Oui, et en fait, il est tellement énervé qu'il fait péter tout l'armoire. Mais non, mais n'importe pas quoi. Il va dans la même caverne que Luke. Dans la caverne. Et il fait tout péter, en fait, je crois. Oui, il brûle la caverne parce qu'il arrive. Enfin, il n'a pas envie de tuer vision de ses parents. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'il est en colère, c'est parce qu'il... Ah, mais j'ai pas dit qu'il voulait pas... C'est juste parce qu'il ne voulait pas tuer ses parents. Mais tu voulais pas que Snoke le sache. Mais si, t'as dit qu'il était tellement en colère qu'il voulait... Non, autant pour moi. Mais moi, je pense qu'il était en colère à cause de Snoke qui était à côté, qui le regardait, quoi. Ah. Après, je sais pas si vraiment... si vraiment il a réussi à faire le truc pour être... Mais peut-être que le truc pour ça, c'était... Ouais, non, je sais pas. Il y a Saito qui dit que pendant leur entraînement, ils ont des casques de A-Wing. Oui. Oui. D'ailleurs, petit hot take, les casques dans Star Wars sont toujours dégueulasses. Enfin, les casques de pilote. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ouais, bah je vais te retrouver, je vais te fumer. Bah viens. Non, viens, frère. Par contre, tu peux pas dire que Rey, avec son casque de pilote là dans le X-Wing, elle est pas à vomir, ce truc à chaque fois, ce plan. C'est très moche, ouais. Bref. Ça fait écho à son casque qu'elle avait sur Jakku. Enfin, bref. Rey, elle avait dit qu'elle haïrait pas Palpatine et qu'elle le tuerait pas, et du coup elle le tue après qu'il ait fait son giga blast là dans le, oui, dans mais le non, ciel. Parce qu'il se tue lui-même en fait. Piou piou piou piou. Trop con. T'as pas compris, il se tue tout seul. Bah, non, mais les éclairs. Oui, il se tue tout seul avec l'aide de Rey. Elle lui a fait un miroir là. Un double miroir, c'est après. It's a positive day. Ouais, par le pouvoir des. Tu vois, c'est ça le truc avec Star Wars. Dans Star Wars, on gagne pas grâce à la haine. On gagne grâce à deux sabres laser. Oui, Ahsoka confirme. J'ai trouvé ça tellement nul. Genre, je vais prendre un deuxième sabre laser, je serai encore plus fort et je vais te battre. C'est trop drôle en plus quand il fait. Pitoyable. Je suis tous les sites. Et puis elle fait. Et moi, je suis Iron Man. comme dans le film. C'était trop bien. Le pire, c'est que je suis vraiment pas un fan de Avengers Endgame, mais c'est quand même beaucoup plus. Ah bah oui, ça marche beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux fait dans ce film-là. Parce qu'on m'avait dit que j'allais préférer Endgame à Star Wars 9. Putain, moi, j'avais vu Endgame, je m'étais dit, ça va être facile pour Star Wars de faire une meilleure fin. Et après tu regardes, tu fais la même année, il y a eu Endgame, la fin de Game of Thrones et Star Wars, et c'est Star Wars qui a eu la pire fin des trois. C'est du switch over child, quoi. c'est what the fuck, mais c'est trop ça. You babe swaddled in the sweet blanket of ignorance. Voilà, et je sais pas s'il se passe des trucs. Il y a un mec, je sais plus qui c'est, il sort d'un trou et puis il meurt. Ouais, je pense que cette étape parce que moi j'adore. Non mais j'adore parce que j'ai déjà partagé plusieurs fois les Oral Notes qui font des super parodies Star Wars. Si vous comprenez bien l'anglais, faut vraiment aller voir, c'est super drôle. Où ils refont le doublage des films, enfin bref. Et ils faisaient des reviews de toute la postlogie, mais comme si c'était des vlogs de Kylo Ren. Et du coup, ils font un in character, tu vois. Et du coup, il fait Guys, that kiss, it was so good, it straight up killed me. You've never been kissed like this. Le mec, il fait moi, franchement, je m'y attendais, mais en vrai, je m'attendais pas à ça. Alors, à quoi ça sert, à quoi ça sert de continuer à vivre, je veux dire, il n'y aurait rien qui aurait été aussi bon que ce baiser-là. Du coup, je suis parti. Et on va dire que c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. Okay, qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi, c'est canon. Je préfère ça. Yes. Ouais. Moi, j'en dis que c'est un film de Connor. Ouais. Ah bah, évidemment, toujours les insultes. Hein. Bon, ouais, c'est bref, de la merde. Mais parce que là, on vient à un moment où on va devoir parler de Rose, et du coup, ça va m'énerver. Ouais, il y a le meilleur moment de tout le film aussi, c'est Chewie qui fait un câlin à Rose à la fin. Et Chewie qui a sa médaille surtout. Et Chewie qui a sa putain de médaille. Masse, les putains de comics, masse putain. Oh, vraiment, genre. Le film, il pourrit tout. Genre, Maz, bon, c'était pas un personnage extraordinaire. Mais même ça, ils ont pas réussi à en faire un vrai personnage. Tu sais, ils ont pas réussi à ne pas la gâcher. Non, elle arrive, Leia disparaît devant elle et la meuf, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Fait, ah, elle est morte. Et après, elle chope... La médaille, elle l'avait dans les mains, hein, Leia, quand elle est morte. Et du coup, la meuf, elle loot le cadavre de Leia. Ouais, mais elle attendait juste qu'elle disparaisse pour pouvoir choper la médaille. Hein. C'est trop ça. Et après, elle va la donner. C'est genre, Chewie. Ah bah c'est pas trop tôt. Tiens, bâtard, c'est pour te rappeler tes potes qui sont morts. Oh, putain. Prends cet objet que j'ai pris sur un cadavre. Je l'ai arraché de mes mains de Leia. elle était encore tiède. Et tu l'as pas vu. Mais en fait, Leia, elle avait une perruque. Et après, deux minutes après, t'as Maz qui passe avec une perruque dans le fond. Tu vas la donner à quelqu'un. Puis après, tu la vois avec la robe. Le fringue de Leia, c'est vrai. C'est ça. Elle passe avec la robe, tu sais. Genre, c'est beaucoup trop grand pour elle, elle flotte dedans. Elle peut pas tout donner aux gens. Ah, mais elle me tue. Elle me tue, Maz, dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle lui donne la médaille? Pauvre Lupita Nyong'o. Ah, c'est oui, c'est ça. Mais elle était même pas là en plus. Parce que cette fois-ci, elle était pas en CGI, oui, elle était en marionnette. Elle était en marionnette cette fois-ci. Et je l'ai trouvée. Dégueulasse en marionnette. Ouais, elle est ignoble. Elle n'a pas d'émotion ou de trucs comme ça. Je me demande si le fait qu'elle ait jamais ces espèces de grosses lunettes sur les yeux, ça contribue pas à rendre le personnage un peu bizarre. C'est vrai. Parce qu'elle a ces grosses orbites bizarres. Sans les yeux, ça rend le personnage un peu moins attachant, je trouve, un peu plus inquiétant. Avec ses gigantesques anus là à la place. T'as raison d'avoir peur d'elle, elle loue des cadavres de ses potes. Ouais, du coup, voilà Maz qui se ramène avec ça. Bah, parce que c'est ce que tout le monde voulait voir. Et j'adore le truc qui arrive après parce qu'il y a la moitié des gens, ils sont persuadés d'un truc et ça me tue. C'est Lando et Jana qui discutent. Et il y a plein de gens qui sont là, genre, est-ce qu'il essaye de la choper? Alors d'où est-ce que tu viens, petite? Bah, je sais pas, tu viens d'où, toi? Il lui dit, et toi? Bah, je sais pas. Alors, bah, on va bien découvrir ça. La manière dont c'est filmé, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça, c'est un des trucs du film. Hein. C'est... Les mecs, ils sont tellement à fond sur la trilogie originale. Et en même temps, ils ont rendu tous les personnages de la trilogie originale ultra, ultra tragiques et pouilleux et pourris. Genre, ils font... Numa, on parlera de Mandalorian après. C'est genre, Anne, il s'est fait tuer par son fils. Leia, elle est morte sans jamais avoir revu son fils du côté obscur, du côté lumineux. Luke, il est mort après avoir été la cause de son... du truc du côté obscur de son neveu. Et Lando, il revient dans ce film-là juste pour qu'on t'apprenne, alors en plus même pas dans le film lui-même, hein, mais juste pour qu'on t'apprenne que Lando a perdu sa fille. C'est quand même génial, hein, leur destinée à tous les personnages de la trilogie originale. Ils sont tous eus, soit pas d'enfants, soit perdu leur fils, soit perdu leur fille. C'est un truc qu'on voit dans le film, ça, qu'il a perdu sa fille ou j'ai... Non, c'est dans le visuel. Non, visuel, je mais crois. C'est canon. Ça n'a pas été cut. Oui, c'est pas canon. Okay. Bah ouais. Si, c'est parce que ça a été cut que les gens y croyaient que. Alors, en fait, à la base, Janna c'était censé être sa fille. Parce que les deux seuls blagues. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont dû se dire, ouais, c'est chaud, mais du coup, ils ont retiré ça. Mais dans le dictionnaire visuel, ils ont quand même dit que il avait perdu sa fille, qui avait été enlevée par le Premier Ordre. Et ce qui donne en plus, c'est encore plus ouf parce que ça veut dire que quand Finn et tout, quand ils butent des Stormtroopers, ça se trouve, ils butent plein d'enfants. Enfin, non, c'est pas ça se trouve. Ils butent plein d'enfants qui ont été arrachés à leur famille. Et potentiellement, la fille de Lando, c'est quand même incroyable. Mais c'est ce qui rend encore plus le personnage de Finn un peu pourri, c'est que, je crois que je l'avais dit, hein, mais on a un perso qui était un Stormtrooper, contre son gré et tout, et qui se retrouve à kiffer à sa race de buter d'autres Stormtroopers. Quoi. Enfin... À un moment, dans Tross, là, il marche limite sur un Stormtrooper. Ouais, et puis à chaque fois, il est rude de joie, limite, donc il dit qu'il en descend. Enfin, c'est hyper gênant, je trouve. Hein. Oui, quand il les bute, ça, dans... Star Wars, hein. Quand il les bute, à un moment, il fait « Wouhou !» C'est genre... Voilà, c'est tout ça pour dire bravo, bravo déjà, tu aimais tellement la trilogie originale que tu as rendu tous ces personnages tristes. Tu as tué la moitié. Et tu les as pratiquement tous tués, ouais. Et voilà. Il n'y a pas de scène après ça. Il y a Rey qui fait caca dans son trou. Ouais. Quoi ouais. Oui. Alors je sais pas pourquoi Rey, elle va sur Tatooine, elle fait un trou et elle chie dedans et puis c'est tout. Bah parce que c'est Anakin quand ils lui ont tous parlé et tout. Anakin, il lui a murmuré dans l'oreille. En fait, quand ce sera fini, tu pourras aller chier sur Tatooine pour moi parce que putain de planète de merde. Je déteste cet endroit. C'est non, vraiment... bah en plus, tu comprends, la maison, ça fait genre 30 ans qu'elle est abandonnée, les chiottes doivent probablement être bouchées, donc faut bien faire quelque part. Hein. Et puis à la fin, t'as les fantômes de force de Luke et Leia qui regardent le trou et qui font un signe de tête, comme ça. Genre, c'est bien. Good job. Well done. Là, t'as trouvé mes toilettes. Que dire sur cette fin ? Je pense que peu importe à quel point le film était réussi ou pas avant. Cette scène-là est sûrement vraiment le clou du spectacle, parce qu'il n'y a absolument rien qui va dans cette scène. La planète, ça va pas. Les personnages présents, ça va pas. Les dialogues, ça va pas. La vieille, ça va pas. Même la créature que la vieille est là, ça va pas parce que, genre, sur Tatooine, tout le monde se déplace avec des éopies. Alors pourquoi elle a une nouvelle créature au lieu de, tu sais, juste reprendre le modèle qu'ils avaient déjà ? parce que JJ est très intelligent et il pense mieux que les autres. Et il y a pas de truc qui refait inutilement comme ça. Vraiment, je ne vois pas comment ils auraient pu faire une dernière scène plus ratée que celle-là. L'avantage, c'est qu'avec The Rise of Skywalker, tous les futurs produits Star Wars qui vont sortir, on va les trouver vachement bien. Bah, ils peuvent être nuls quand même. Ça place la barre quand même vachement bas, je sais. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, en termes de bénéfices, c'est quand même pas ouf, tu vois. Ils font tous mieux, peut-être, mais bien, doucement. Quoi. Enfin... Je veux dire... Ouais, non, mais enfin, je veux dire, au moins... Enfin, je sais que j'ai vu le pire, quoi, tu vois, genre, moi, ça, le pire est derrière moi, tu vois, enfin, je veux dire, ils peuvent pas faire les mêmes erreurs une nouvelle fois, parce on n'a pas encore fait le spécial. Les mecs de... Ah, Game of Thrones, donc ça prouve que, voilà, ils sont prêts à tout. Est-ce que vous aviez vu le truc où Chris Terrio, il parlait de cette scène-là, et il disait que... C'était pour enfin réunir Luke et Leia sur Tatooine parce qu'ils n'avaient jamais été là-bas ensemble. Oui, oui. Non. Et ben jamais. Voilà, c'est un truc qu'il a dit vraiment. Mais quel con. Mais comment est-ce qu'il peut... Ils n'ont jamais été là-bas, genre. Ils connaissent rien Star Wars. Écoutez-le. Mais est-ce qu'il est au courant genre qu'ils n'ont jamais été non plus sur... ensemble sur Naboo, qu'ils n'ont jamais été non, ensemble. Non, mais ils étaient ensemble sur... dans mec, le 6. Ils étaient sur Tatooine ensemble. Je veux dire, elle saute dans ses bras à moitié ah, à poil non, et oui, ils font la... J'avais oublié. Non, mais ce que tu dis aussi, Adrien, ça a du sens. Ça aurait pu tout aussi bien être Tatooine parce que ça a du sens pour eux aussi. Non, Naboo, tu veux dire. Pardon, oui, tout à fait. C'est un peu dangereux, Naboo, d'ailleurs, parce que Tatooine, c'est le pire endroit. C'est l'endroit où... Anakin et sa mère, ils étaient réduits en esclavage, où ils ont dû être séparés, où sa mère est morte et dans oui, ses il... bras. Ah dans ses bras. Dans ses bras et il a massacré tout un village en commençant à tomber du côté obscur. C'est l'endroit où Luke il voulait se barrer de Luke, là-bas. Luke, il a grandi, ça le faisait chier d'être là. Chaque année, il était genre, je peux me casser et devenir pilote maintenant. Il n'aimait pas la planète. C'est l'endroit où Leia a été réduite en esclavage, mais sexuel cette fois. Et la famille de Luke a été brûlée... vive. Oui, oui. Juste avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est vraiment... Ouais. Là où elle enterre les sabres, exactement, en plus, quoi. Ouais. Ouais. C'est vraiment un enfer. Oui, le calave en Beyrouth, qui était juste à cet endroit-là. T'as encore elle l'a décalé pour faire le trou. elle a poussé fait. C'est mon spot. C'est genre l'endroit. Mais c'est dégueulasse. Oui. Elle pousse les cadavres. Parce que Nata qui m'a montré comment on s'occupe des cadavres, donc. C'est extraordinaire. Et le mec après, il se dit, ouais, elle va faire un pèlerinage et elle va mettre le truc là où leur vie, ça a été un enfer littéralement pour tous les Skywalker, genre tous les Skywalker qui ont été sur Tatooine, ça a été un enfer. Oui. C'est incroyable. Ça, c'est le genre de question que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup poser à JJ Abrams et Chris Terrio en mode pourquoi vous, quel... et vous savez, mais ils ont donné la réponse. Parce qu'il fallait que ça se finisse là où ça a commencé. Et pour eux, ça a commencé avec Luke sur Tatooine dans le 4. Alors que vous savez où ça a commencé en vrai, la saga, la première planète qu'on voit de toute la saga, bah, c'est Naboo. Bah oui. Vous savez ce qu'il y avait sur Naboo ? La grand-mère. La mère de Luke et Leia. Et Palpatine. Shiv vient de là-bas aussi, oui. Ouais. Ouais. Vous voulez un endroit qui symbolise les Palpatines et les Skywalker ? Bah, Naboo. Voilà. Bah ouais. Ils ont intérêt d'avoir une bonne raison de nous emmener sur Tatooine dans le Mandalorian, parce que sinon ça va chier. Est-ce que Tatooine, ce serait pas... J'adore parce que un des premiers trucs qui dit Luke sur Tatooine, c'est « Ouais, s'il y a un point central à la galaxie, c'est sur le point qui en est le plus éloigné. » Ah bah, on voit ça, mec. Tout le monde y va tout le temps. C'est, genre, ils y vont tout le temps. Tout le temps. J'ai été étonné, d'ailleurs, que dans Jedi Fallen Order, on n'y allait pas. Mais tu sais que c'était prévu à la base. Ils avaient fait des concept art. Ils avaient prévu à la base d'aller sur Tatooine. Oh non. On va plus souvent sur Tatooine que sur Coruscant dans la saga. Mais oui. Tout ça pour dire, c'est vrai que c'était une super scène pour finir la saga, je trouve. Avec Rey qui est toute seule dans le désert. Dans un plan qui n'était même pas prévu pour ça à la base. Oui, parce que le plan, ils ont repris juste elle sur Passana et ils l'ont collé sur Jakku, hein, le plan final où elle est face au soleil. Mais c'est pas grave, de toute façon la scène elle est pourrie, peu importe, même d'ailleurs, si ça avait été vraiment Rey qui était là. Daisy Ridley, elle a détesté tourner la scène d'avant où elle fait de la luge. J'ai vu des behind the scenes et il lui a fait refaire je sais pas combien de fois le truc de luge et elle était super effrayée et elle lui disait non, je déteste ça, s'il te plaît, arrête. Et le mec il était ah si, c'est trop drôle. Ah, de mieux en mieux. Quel connard. Ouais. Il y avait un tweet qui était passé il n'y a pas longtemps, c'était par rapport à ce film, mais notamment c'était un truc des fois qu'on met en avant sur les films en disant « Waouh, cette scène a été retournée 50 fois !» Ça montre le perfectionnisme du réalisateur. Mais en fait, si tu dois retourner une telle scène 50 fois pour avoir une bonne scène, c'est que tu n'es juste pas un bon réalisateur. Ouais. C'est pas faux. C'est vraiment vrai ce que tu racontes là. Quoi. Et c'est... C'est un connard, hein, parce que concrètement... Bref, tout ça pour dire qu'il est pratiquement 2h du matin. Mais vous êtes fou. Yes. Ça fait vraiment beaucoup. Est-ce que ça va? Et qu'il y a quand même toujours 17 personnes. Mais il faut des pas les coucher, ils ont laissé tomber leur PC, hein, je sais pas. Vous entendez pas dans le chat. Alors, je vais juste dire merci à tout le monde. Je vais éteindre le live et recommencer, c'est juste pour délimiter la fin de cet épisode là et puis si vous voulez on peut discuter vite fait de trucs mais voilà, je voulais juste vous dire merci beaucoup, un dernier mot chacun donc par rapport au film, je vais faire dans l'ordre de la table. Adrien, Where is Rose? Voilà, c'est vrai qu'on en a même pas parlé parce qu'on voulait pas parler des trucs qui fâchaient trop, mais évidemment Rose. Ah, c'est vrai qu'on s'est tapé des barres. Funili. Je crois que je vais résumer tout ça avec le mot soulever. Ah voilà. Tuki. Ray. Oh waouh. Tu imites bien. Fin. Matt. On en a enfin fini avec cette connerie et je suis pas mécontent de passer à autre chose. C'est pas un mot ça. Non, bah, c'est une phrase, mais tous les mois on se disait hey, quand est-ce qu'on fait le truc sur l'épisode 9 et yep. Personne n'a envie de le faire et c'est fait, maintenant c'est bon, c'est torché. Moi je croyais que j'ai. Et on pourra penser à des trucs mieux. Et sinon, caca. Et les schlags, évidemment, les schlags. Ah, quand même. Les schlags de Rennes. Un peu d'amour pour les schlags. Hein, franchement. Le... Eximute, je m'attendais à ce que tu nous dises plus souvent qu'on était un peu dur. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On n'était pas assez dur. Vous ne venez pas venir me sortir maintenant, s'il vous plaît. Pardon, on passe sous un tunnel, Eximut. Je suis désolé. En vrai, merci, Eximut, à notre envoyé spécial dans la galaxie lointaine. Ouais. C'est quand même très chouette. Merci, merci à tout le monde d'avoir été là pendant tout ce temps-là. Vous êtes fou d'être encore là, vraiment. Vous êtes fou d'être encore là parce qu'il est pratiquement 2h. Et toi, Grushkov, t'as un truc à dire? Bah oui. Non. Non, enfin, c'est ma réaction par rapport au film. Non. Ouais. Non. Voilà. Okay. J'éteins le stream dans 3 secondes. Bisous tout le monde.